Vous écoutez WRQC. Spartiate au cœur en chocolat. Il y a du monde chez Léon. Du débat, des infos, des invités. Ce sera musclé. Mais dans la bonne humeur. Même les voisins en redemandent. Il y a du monde chez Léon. Jusque 13h, il y a du monde chez Léon. Eh bien bonjour. Bonjour. C'est le retour de il y a du monde chez Léon. Oh, tu as oublié le titre. Non, quand même pas. Attends, voyons, il y a du monde chez Léon. Saison 2. Saison 2. Saison ouais. 2, ça y est. Oh, on a déjà un an d'ancienneté. C'est fou. Et bien voilà, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes là pour nous écouter pour notre rentrée scolaire. Oui. Rentrée scolaire. On est tous venus avec notre petit cartable. Sac à dos. Notre nouvelle tenue. Comme Dora. Voilà. Notre trousse est pleine et pour le moment, voilà, on nous a toujours pas piqué notre stylo 4 couleurs. Non. Stylo 4 couleurs qui est une polémique, je vous présente après mes invités, hein, les auditeurs, chers auditeurs. C'est polémique, voilà, un jour, une photo apparaît et il n'y aurait peut-être plus le vert dans le stylo 4 couleurs. Alors pourquoi ? Mais parce que le vert, personne ne l'utilise. Effectivement. Voilà. Et donc, voilà. Donc, bon, voilà. Donc, la rentrée pour vous tous. J'espère que vous avez pris vos stylos. Donc, j'ai autour de moi Logan. Oui, j'ai mon stylo. Bonjour. Tu as ton stylo ? J'ai mon stylo. Très bien. J'ai Philippine. Moi, j'ai pas mon stylo. Je suis une mauvaise élève. Je l'ai oublié. Ouais, mais toi, t'as high-tech. T'as tout imprimé, ouais, tout ouais. ça. T'as... Et puis, il n'y a aucune rature à faire sur ta chronique. Elle est parfaite. Il n'y a pas de notes à prendre, de rajouter, tout ça. Il n'y a pas de souci. Disons qu'elle a préparé, quoi. Oui, il a préparé, oui. Contrairement à d'autres. Oui, non, mais je vois que tu as des beaux schémas et tout sur ton petit papier. Et Alain qui va m'accompagner donc toute l'année. Oui. Voilà. Mon adjoint. Oh là là, ouais. On parlait foot aujourd'hui. Attention. Je suis coach et tu es l'adjoint. D'accord. Bon. Ah, souvent, le coach il se fait virer aussi si les résultats sont pas bons. C'est l'adjoint qui fait l'intérim avant de se faire virer lui-même. L'adjoint choisit après le nouveau coach. C'est un peu ça, ouais. Ou il devient coach, mais bon. Bravo Alain pour donc ta nomination en tant que coach adjoint dans Il y a du monde chez Léon. Ah bah écoute, je suis enchanté. On avait commencé déjà avant. Ouais, depuis début juin déjà. Tu t'étais imposé, on l'a bien vu. Et je suis là. Et tu es là, très bien. Donc voilà, une deuxième saison de Il y a du monde chez Léon qui commence. Bon, on continue sur la bonne lancée de la première. On vous a concocté quelques modifications pour cette émission. On garde le bon et le con, hein. On va arriver avec ça après, oui, hein, le bon et le oui. con de la semaine. Hein. Alain et moi, on se répartit soit le bon, soit le con. J'ai pris le bon aujourd'hui. Hein. T'as pris le bon. Oui, je sais que je serai cantonné au con le reste de la saison. Donc, aujourd'hui, je commence avec le bon. T'as passé de bonnes vacances, Alain ? Bah écoute, formidable. Beaucoup sur l'eau, en canoë. Oui, j'ai vu ça. Hein ? J'étais followé. Tu m'as, ouais. J'étais follow. T'as vu les descentes à l'endroit, les descentes à l'envers. J'ai vu qu'il y avait pas mal de descentes du coude aussi le soir. Un petit rose des frais, tout ça. C'était rosé pétanque. Rosé pétanque. C'était rosé pétanque avec nos amis lyonnais qui descendent aussi tous les ans là-bas en Ardèche. Oui, je pense qu'il n'y a pas eu un jour où j'ai pas bu de rosé. Mais je ne comprends pas. Il est fier. Il est content. Je ne suis pas fier. Il a picolé tous les jours. Je suis content, c'est que ma femme n'écoute pas. Ah, parce que tu buvais en cachette en plus. Ah non, ah bah non. Non, mais si tu veux, la piste de pétanque n'était pas forcément à côté de la location. Donc, ah bah oui, d'accord. Voilà. C'est ça. Les gars, vous partez plus chargés que vous revenez le soir, je ne comprends pas. On mettait en jeu et on a perdu, donc voilà, on a laissé les bouteilles aux adversaires. Non, mais en plus, un de mes meilleurs souvenirs de cette année, c'est lié aussi au rosé, mais c'est surtout lié au... Son fils est mais dégoûté. Non, mais au vigneron ardéchois et l'ambiance, l'ambiance dans la ville, parce que chaque année il y a la fête des vignerons. Donc t'as les vignerons qui viennent avec leur char tiré par des mules. Ils viennent avec le raisin, avec la première pressée, On te distribue des bolets dans lequel en fait on te verse à volonté du rosé, ouais. Et c'est super quoi. C'est une super ambiance. Il y a de la musique, il y a des voilà, c'est tu danses dans les rues. Enfin, c'est génial. C'est vraiment une super ambiance. C'est au moins à faire une fois. D'accord. Eh bien, rendez-vous en Ardèche. Voilà. Je... Juillet, août. Août. T'es un haussien. Je suis un haussien. Et je, con, je j'ai envie de le rester, même si les journées en juillet sont plus longues. Oui. Bon, quant à la canicule en août, ça va très bien quand même. Ouais, c'est le temps pour les gros, la canicule. Moi, j'ai eu chaud. Philippine, juilletiste ou haussienne? Bah les deux. Voilà, c'est la peur. Elle fait deux mois. Non, j'ai des vacances pendant deux mois, mais je pars pas pendant deux mois quand même. Hein. Ah ouais, bah oui. Ouais. Parce que c'est les profs. Non, non, pas encore. Étudiante seulement. Étudiante. Et donc, juillet, tu es allée... Alors, juillet, j'ai fait un peu de rando avec le CPA. C'était très sympa. Donc, c'est un organisme de colo. Oui, des colos pour... Des colos pour adultes. Ouais. Jeune adulte jusqu'à vieil adulte. Et ils suivent les vieux adultes en rando? Oh, pas toujours, hein, mais parfois, parfois, c'est moi qui suivais pas quand même. Ah, ouais, voilà. Elle fermait, elle fermait la marche. Parce qu'ils cartonnaient au rosé, au bout d'un moment, tu sais, ils ne sentent plus leur corps, et là, ils sentent pousser des ailes. Non, en fait, elle est comme au Tour de France, c'est la voiture balai, tu sais. Et donc, c'était où, ça? C'était à hier, donc c'est... C'est où, hier? C'est sur la Côte d'Azur. Ah, vas-y, attends, attends, attends, attends. Ah non, attends. Vas-y, je le prépare. Il prépare, c'est tout pourri, je pense. Oui, vas-y, Alain, vas-y. Donc, elle est allée hier. Elle n'ira pas demain. Mais c'est tout pourri. Très bien, oh, c'est le premier de l'année, ça me fait plaisir. Bon, tu es allé hier et tu es allé au Touquet, tu me disais aussi un petit peu. Ouais, un petit peu au Touquet avec... Touquet Paris-Plage. Ouais, Touquet Paris-Plage. Est-ce que tu as vu Emmanuel Macron? Non, on était allé devant sa maison. Et alors? Il était pas là, il était pas là. Son chien était là? Non, même pas son chien. Nemo. Il s'appelle Nemo? Ouais, oui. Son chien s'appelle Nemo. Oui. Ah ouais, vous savez pas. Et il lui manque une aile, enfin une nageoire. Mais non, c'est un chien. Et là, c'est tu mets pas, c'est tout pourri. Ouais, là, mais là, non, je le contrôle. Il met pas, je devrais avoir un bouton, bah, c'est tout pourri. Très bien. Logan, oui, toi, bah... t'es juilletiste et aussi, t'es en vacances, bah, vacances oui, scolaires. Effectivement, ouais. Mais moi, je pars sur mon PC souvent. Ah ouais, ouais. Tu voyages? Ouais, je voyage, ouais. Ah. Et là, c'est pas tout pourri, là, bravo. Là, Philippine, alors, notre stagiaire d'avoir les vacances, hein, donc ouais. Elle est en pré-stage. Voilà. On a accepté qu'elle vienne faire son stage, donc là maintenant on peut la considérer comme une stagiaire. C'est très bien, c'est noté. voilà, dans son rapport de stage, on notera. De toute façon, c'est... on le récupérera, ses jeux de mots, c'est tout ça. On fera une compile des meilleurs moments de la stagiaire et tout ça, pour son CV. Ouais. Et Aoussia, tu as suivi ton père et la consommation de rosé ou... Faut pas le dire. Parce que le terrain de beach volley était ouais. Un peu éloigné de la location. D'accord, bah très bien. Alors, tu sais ce que c'est le beach volley pour Jean-Marie Big? Non. C'est un lâcher de salope. Ah, ah ouais, c'est un sketch. Beach, hein. C'est un sketch. Faut savoir parler anglais. Hein. Beach qui veut dire donc plage, beach. Voilà, voilà. Voilà. Bah, bravo, bravo. Donc c'est la rentrée, on va en parler un petit peu tout au long de l'émission. Il y a la rentrée en Belgique, la rentrée en France, la rentrée technologique, les rentrées cinéma, on a des sorties qui ont eu lieu au niveau du cinéma, des sorties des brocantes, braderies de lit aujourd'hui, il y a plein de braderies, de brocantes un petit peu partout en France, en Belgique. Donc voilà, rentrée, sortie... On est parti. Des nouvelles émissions sur RQC, Rico viendra nous en parler. Les nouvelles technologies pour Logan? Oui, oui, ouais, toujours. Le cinéma pour Philippines, on se le distribue comme ça? Oui. Le franco-belge, la rentrée scolaire franco-belge pour Alain? Voilà. Ok, Marie, elle fera les sorties du coin-coin, elle arrivera aussi. Moi, je vous parlerai foot, parce qu'il y a une grosse actualité foot pendant les vacances quand même. Ah oui. Voilà. Si t'as un peu de sous, tu peux acheter un petit joueur sympa. Petit joueur. Ils viennent, ils sont. Et puis, bah, juste après cette coupure musicale, on se retrouve avec le con et le bon du jour. Alain et moi, on vous présentera des gens qui nous ont marqués. Ça commence fort, hein. Ah oui. Ça commence fort. Et puis, on les avait reçus en fin d'année, en fin de saison dernière. Le groupe Né Sous X qui a sorti son album Les Nouveaux Déserts. Et notamment le titre OPEX. jamais vraiment eu d'intrigue. Les ruines s'effritent en poussière, où naissent les nouveaux déserts. Quand l'ombre fait face à la lumière, l'écho se fait solitaire. Il y a du monde chez Léon. Il y a du monde chez Léon, on est de retour ensemble pour le début de cette saison 2 de Il y a du monde chez Léon, IMCL. YMCL. En anglais. Ouais, on va essayer de créer une chanson. Tu seras déguisé en cowboy. Ouais. Moi en indien. Logan, on le mettra en chantier, hein, tout ça. En chantier. Non, mais en mec qui travaille sur les chantiers, tu vois. Philippines, il reste quoi? Il reste le policier à moustache. Voilà. Oui, oui. Mais ça, non, c'est déjà fait ça. C'est déjà fait. Ouais, ça a déjà été fait, je crois. Ouais. Une chanson qui ressemble un peu. À des gars comme ça qui se déguisent. Ouais. Après, il y a une chanson, on peut faire In the Air, que c'est. Ouais, mais je crois que c'est déjà fait aussi. Ouais. Là, je compose des trucs qui sont déjà existants. Moi, j'avais pensé à Joe Dassin plutôt. Il y a du monde chez Léon, ta-na-na-na-na. Il du monde chez Léon, ta-na-na-na-na. Eh ben, on va se lancer, tu vois. Je veux dire, les enfoirés, ils nous font des reprises pour les Restos du Cœur. On a des choses pour Sid Action et tout ça. On va peut-être pouvoir se créer un album Il y a du monde chez Léon, ouais, tu sais, tout ça. Avec des reprises comme ça, ce serait pas mal. Puis Philippine, elle chante en plus. C'est vrai? Oui, elle chante. Hein? Tu nous montres? Non. Un tout petit peu, elle dit. Elle s'est pas échauffée. Voilà. Ah bah on va lui laisser le temps du con et du bon de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, tu t'échauffes. Tu vas dans le couloir, tu fais tes vocalises. On accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Bonjour, qui va nous présenter des sorties, c'est ça, pendant l'émission? Exactement. Il y a beaucoup de choses en plus, apparemment. Hein, beaucoup mais de oui, sorties. C'est la rentrée pour tout le monde. Donc. C'est la rentrée, mais on est de sortie. Tu vois, voilà. Hein, t'as vu comment elle le dit, c'est la rentrée pour tout le monde. Il y avait quand même derrière, on sentait, voilà, c'est tant pis quoi, c'est la rentrée. Ouais, c'est la rentrée. C'est vrai, hein. Mais ouais. Il y a des associations, il y a plein de choses aussi qui font leur rentrée et qui débutent en septembre, donc voilà. C'est la rentrée, l'école, c'est pas cool, mais. Mais les sorties, c'est plus cool. Oui. Eh bien, donc le bon et le con de la semaine, oui. C'est maintenant, Alain. C'est maintenant. Je n'ai pas de jingle, donc on va faire une petite chanson. C'est maintenant le bon, le con de la semaine. Wow. Ça va? Ça passe? Écoute, ça passe. Ça, je devrais donner cette mission à Logan, parce qu'en plus, Logan, il critique. Non. Logan, oui. Il se fout de notre gueule. Ah oui, donc oui, ça, oui. C'est une mission qu'on devrait vraiment donner à Logan. Il chante super bien aussi. Tu sais il chante bien? Tu sais que moi, pour venir ici, je suis obligé d'écouter sa playlist. Ah oui. Et donc, il chante dans la voiture. Ah oui. Bon, alors, on va faire un duo Philippine-Logan. Moi, ça me paraît bien. Ça. Bah ouais, puis allez. Après, vous viendrez en interview ici sur RQC pour votre album et tout ça. Ouais. On y croit tous. Dans le couloir, tous les deux. Allez, va aller faire vos vocalises. Alors, on démarre par le con. Lilissou qui nous écoute, elle a une petite blague, on va démarrer par le con. Oui. Alors, on va reparler de Logan. Bon, on peut rester sur le con, donc. Et Liliso qui dit, mais c'est normal qu'il soit en chantier, Logan, c'est un adolescent. Voilà, tu es un adulte en chantier, voilà. En construction. Voilà. Alors, est-ce que tu deviendras un grand, bel immeuble ou une maison en bois, enfin, tu vois, une yourte. Ça, c'est pas. Enfin, on sait pas. Mais en tout cas, effectivement, tu es en chantier. Mm. Mm-hmm. Ça te va? Ouais. Et là, on dit ouais, merci, Lilisou. Merci. Plaisir. Allez, bah oui, on enchaîne donc sur le vrai con de la semaine. Alors, le vrai con de la semaine. Figure-toi que ça se passe aux Pays-Bas. Oui. Donc la police a arrêté un conducteur avec une cargaison très spéciale. Deux énormes réverbères sur le toit. Alors sur le toit de sa voiture. Alors oui. Quand tu vois la voiture, c'est une toute petite voiture. Hein, ouais. Tu verras ça sur le site. Ah oui, tu nous mets le lien sur la page Facebook. On voit la visite. Je mettrai le lien. Je ne l'ai pas encore programmé. Parce que, hein, mais plus tard, je le programmerai. Il passera juste quand je dirai l'info. Très bien. Voilà. On va essayer. Mais oui, on va y arriver. Alors, on ne sait pas. Hein, le conducteur qui était ivre, on ne sait pas du tout ce qu'il voulait en faire. Alors, la police qui a remarqué son état d'imprégnation... imprégné, il est imprégné. Il est imprégné. Bon, il a refusé l'alcotest, mais bon... Pourquoi il avait peur d'échouer au test. Il n'y avait pas besoin, je crois. Hein, donc oui, effectivement, on ne sait pas pourquoi il a volé ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que son véhicule n'était pas assuré, sans contrôle technique. Oui, jusque-là, tout va bien. Et qu'il était en outre poursuivi pour avoir pris du carburant sans payer. Voilà, bon. Oui, bah on est bon là. Hein. On est bon, ça me rappelle moi un sketch de Fernand Reynaud qui se fait arrêter aussi justement par la police et puis qui n'a pas de permis. Et voilà quoi, c'est totalement délirant. C'est pourquoi. Une belle accumulation quand même, c'est. Hein. Voilà, hein, c'est. Le combo, comme on dit, le combo magique quoi. Ouais. Voiture, vol de réverbère, il a abîmé sa bagnole en plus, il est avec la taille des réverbères. Bah, de toute façon, quand tu vois la taille des réverbères, tu ne sais pas. Il voulait mettre ça dans son jardin. Genre, c'est discret en plus. Peut-être, ouais. Alcotest. Non, mais en plus, Alcotest, ouais. Ouais. Ah non, mais. Ouais, enfin, il refuse l'alcotest. Pas d'assurance. Ouais. Manquait plus qu'il fasse un délit de fuite. Bon, après, il aurait pas roulé vite. Je me demande si, parce qu'il refuse l'alcotest, mais on peut pas l'obliger, même si on voit l'état d'imprégnation. Non, mais pour les papiers, parce que. De quoi obligé de faire un alcotest. Bah oui. Mais comment tu lui fais. Bah je sais pas, mais. Il fout le truc dans le bec et tu l'obliges à souffler. Mais non, mais quand tu veux prouver par écrit qu'effectivement il a répondu, voilà, il a autant de grammes d'alcool dans le sang, ouais. Comment tu fais s'il refuse l'alcotest? Bah après c'est un juge d'instruction que je pense qui lui dira bah écoute là t'es obligé et après c'est une prise de sang voilà. Qui est même plus fiable qu'un soufflet dans le ballon quoi. Ouais. Eh bien merci pour ce con. Ouais, on en prendra des nouvelles. J'ai oublié de préciser, la voiture c'est une Twingo, donc imaginez les deux poteaux d'éclairage sur la Twingo. Ah ouais. Par contre, alors est-ce que. Enfin. Est-ce qu'il y en a un qui. Est-ce qu'un des réverbères touche devant ou touche derrière? Ou est-ce qu'ils sont bien. Non, même pas, alors ça. Eh ben c'est qu'il a, même bourré, il a réussi à trouver le bon point d'équilibre. Donc rien que pour ça, je pense qu'il devrait avoir une peine diminuée. Ouais. Très bien. Bon, alors moi j'ai un bon de la semaine quand même qui est plus cool que le tien, effectivement. Lui, on va pas lui reprocher de s'être baladé dans la rue dans un état plutôt imprégné aussi parce qu'il était très mouillé. Très mouillé, pourquoi? Parce que vous savez que la semaine dernière, il y a eu une tempête au Texas. Comment elle s'appelle cette tempête? Harvey. Harvey, une grosse tempête au Texas avec des inondations, tout ça. Enfin voilà, catastrophe vraiment naturelle. Et puis, voilà, il y a une dame dans une rue qui surveillait par sa fenêtre, hein, qui regardait un petit peu les dégâts qui pouvaient commencer à arriver. L'eau qui s'accumulait, feuilles, arbres arrachés, le linge du voisin qui se retrouve au plein milieu de la route, la poubelle renversée, tout ça. Et là, il y a un petit animal, un chien, voilà, qui... Bon, petit, elle est taille moyenne, qui se baladait dans la rue. Jusque-là, pas de problème, hein, des chiens errants, ça existe. Et puis là, bien sûr, on imagine peut-être que sa clôture, son chenil, sa cage, j'en sais rien, s'est effondrée, donc bah, il a pu se sauver. Sauf qu'il est pragmatique quand même sur ce chien, il dit « Moi, je veux bien être... livré à moi-même dans la rue. » Mais bon, il arrive au moment, tu vois, voilà, je suis un adolescent, je veux de l'autonomie, quoi, tu vois. Et ben il a emporté avec lui son paquet de croquettes. C'est-à-dire que la vieille dame, elle était là à sa fenêtre, et puis elle voit le chien, et le chien tient dans sa gueule un paquet de croquettes. C'est-à-dire que, voilà, je veux bien fuguer, je veux bien aller me réfugier, je veux bien tout ce que tu veux, mais je veux quand même être nourri avec mes croquettes préférées. Et donc on le voit se balader dans la rue, c'est devenu vraiment un héros, parce que c'est vrai que... pendant ces temps-là, les temps sont durs, hein, voilà, on voit les catastrophes, on voit les trucs qui sont détruits et tout ça. Et puis là, une image un peu insolite, mignonne, d'un animal qui transporte son sac de croquettes pendant la tempête. Ça a réchauffé un peu les cœurs des gens qui se plaignaient de leur sort. Et, non mais voilà, ce chien, au final, il nous donne une leçon d'autonomie, de débrouillardise. Ouais, il faut savoir que ça fait le buzz. Aux États-Unis et particulièrement au Texas, parce qu'en fait, les Texans ne jurent que par l'autonomie. Et effectivement, voir ce chien se débrouiller par lui-même et comme ça se sauver et sauver ses croquettes en même temps, quoi. Voilà, c'est ce qui a fait que c'était le héros du jour. Hein, c'était voilà. Il a donné une bonne leçon aux humains. Ouais. C'est souvent comme ça les animaux qui donnent une leçon. Ouais. Et une bonne leçon aux humains aussi, dans le même sens, toujours avec la tempête Harvey, ce sont les fourmis rouges qui s'auto-agglutinent et qui dérivent comme ça sur les flots pour préserver. Ils préservent la reine, ils préservent les œufs et donc préservent leur colonie, quoi, leur communauté, et pareil. Quoi. Et celles qui sont sur le bord du... Bah, je me suis posé la question parce qu'il y a celles sur le bord, mais... Apparemment, ça, le fait d'être agglutinées... Elles s'accrochent. Voilà, elles s'accrochent. Elles sont solidaires. Elles sont solidaires, fait en sorte que, justement, ça reste étanche par-dessus. Et hop, quoi. Les fourmis qui sont souvent elles étudiées, survivent. Justement, sur leur organisation de société, oui, avec leur hiérarchie, voilà, l'organisation, tout ça, c'est... moi, j'avais vu un reportage, des fois, je regarde des reportages sur les fourmis. Ne pensez pas que je me fais chier dans la vie. Je suis très curieux. Et effectivement, t'as des fourmis qui vont trouver par exemple un point de nourriture. Elles vont revenir, elles vont dire à leur copine, ouais, là-bas il y a un point de nourriture, tout ça. Et là, elles vont pas juste aller tous sur le point de nourriture et ramener, elles vont s'organiser. C'est-à-dire qu'il y aura, voilà, avec leur sécrétion, tout ça, ils vont créer, pour faciliter le passage, ils vont créer un chemin. Voilà, avec les feuilles, la terre et tout ça, ils vont aplatir un petit peu jusqu'à l'endroit. Et après, le chemin du retour n'est pas le même, ils vont créer un chemin du retour. Mmh. En gros, il y a une autoroute pour aller jusqu'à la nourriture et une autoroute pour revenir. C'est vraiment incroyable. Voilà. Et Logan connaît le nom du cri des fourmis. Oui, alors, ça fait quoi le cri de la fourmi? Elle gronde. Elle gronde. Ouais, une fourmi gronde. Attends, c'est pour toi. Et on m'a incité à faire la blague, donc comment je tiens à le dire quand même. Oui, mais... C'est tout pourri. C'est tout pourri, c'est surtout que t'es trop influençable, Logan. C'est surtout que si tu veux à un moment être autonome, arrête de te faire avoir comme ça et marque la différence, quoi. Faut oser dire non dans la vie. Bon, continue à obéir à ton père quand même et à ta mère. Là c'est bien, c'est un bon exemple. Très bien, continue comme ça. Eh bien voilà, un petit con, un petit bon, un petit héros, un petit débile de la semaine. On a encore une semaine pour en trouver un la semaine prochaine. Oui. C'est vrai que les cons, ça court les rues quand même. Ah bah les cons, c'est facile. On les voit. Moi, tout à l'heure, à 13h, je sors du studio. Je pense que je ferai... Ouais. Je vais faire un truc. Je vais mettre le chronomètre en route. Ouais. Et dès que je trouve une situation d'un mec où je dis mais quel con, et je note combien de temps. C'est pas mal. À la limite, tu mets sur il y a du monde. Et on. Ouais. Voilà. Et puis, par contre, si je fais une connerie, je fais quoi? Je fais un selfie. Voilà, j'ai trouvé. J'ai grillé un feu rouge. Je viens de me faire arrêter. J'ai eu un accident de voiture. T'as la Philippine, elle flippe parce que c'est moi qui la ramène. Allez, bah on se retrouve après avec. On passe. Sonotone de MC Solar. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Sonotone de MC Solar et puis Dig Down de Muse. A tout de suite. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. A chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches, analyse ma pisse, teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan, style te malieuvre. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, tu veux que je fasse du jogging, attraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. Appeler les forces des ténèbres, dévertébrer le verbe de toutes mes lèvres. Pour devenir celui qui gambadait dans l'herbe, je lève la main gauche et déclare avec verve être prêt. Pour la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer. Je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan Klux Klux. Sois, viens à moi, tu deviendras explosif comme l'Etna. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. Qu'est-ce qui se passe, je me sens revivre de vieux papillons. Je passe à chrysalide, j'étais impotent. Maintenant ma pose tend comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps, jeune fun. Je brille comme un gun neuf, j'ai du sang neuf. Je veux 1000 meufs, plus 1000 potes de Bangkok à Elbeuf. Le tout si possible, arrosé de 1000 teufs. Car tout est vicié, cercle vicieux. Là-bas la vessie, ici la calvitie. À toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre. La jeunesse éternelle pour réécrire mon œuvre. Résurrection, autour de l'érection de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire. Le rêve, elle, belle, citadelle assiégée par une armée rebelle. Moi, en émoi, escaladant la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. J'aurais voulu te dire que je m'en vais. J'aurais voulu te dire que je m'en vais. Que je marche, je m'en vais. Que je marche, je m'en vais. J'aurais voulu te dire que je m'en vais. Il y a du monde chez Léon. When hope and love has been lost, and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends, and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way, and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds, you find a way. Dig down, dig down, dig down, and find faith. When you're close to the edge, or with a gun to your head, Navigue les ondes libres. RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. La bonne musique, et là c'était Dig Down de Muse. Muse qui va aussi sortir un nouvel album. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont été dans les studios et qui... vont nous sortir. Donc MC Solar, on a écouté Sonotone, c'est un nouvel album. Qu'est-ce que j'ai entendu aussi? Les Bébés Brunes qui sortiraient un nouvel album aussi. Ouais, c'est Barbara, ils ont retrouvé des bandes de Barbara. À l'époque, elle n'avait pas sorti cet album parce qu'elle s'était un peu embrouillée avec un de ses musiciens. Et puis voilà, chez Universal, ils ont fouillé un petit peu les archives. Il n'était pas écrit son nom, je ne sais plus ce qui était écrit, tout ça. Et puis ils ont entendu la voix de Barbara et apparemment les titres sont très bien. Donc pour ceux qui aiment Barbara, il y aura aussi un album qui va sortir. Voilà. Pour les sorties musique que je connais. Mais il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce qui va sortir encore? Vous connaissez un art? Logan. PNL, Joule, représente. Attention. Un rappeur, il y a Niska qui sort hein, le 22 septembre. Ah voilà, faut le dire. Ouais. Donc, notre entrée aujourd'hui dans Y'a du monde chez Léon. C'est la rentrée scolaire. Il y en a d'autres qui sont déjà rentrés. Oui. C'est vrai que j'ai recommencé le travail, oui, effectivement. Mais alors, on parle de rentrée scolaire dans les écoles. Comment ça se passe en Belgique? Comment ça se passe en France? Ah oui, bah alors déjà, une petite colle. Oh non, on est déjà collé. Oui, bah on commence. Voilà. Allez. Ministre de l'Éducation nationale en Belgique, tu sais qui c'est? Robert Quelqu'un sait qui c'est ici? Non. C'est une femme. Oui. Oui, allez, la locale de l'État. Allez, avec deux prénoms, un prénom double. Jean-Pierre. C'est Marie-Christine, non? C'est Marie, c'est bon. Ouais. Marie, c'est bon, ouais. En même temps, hein, dit par Marie. Putain, j'ai trop fait la fête, tiens, je m'en rappelle pas. Bah, d'accord. C'est Marie-Martine. Ouais, il y en a qui trichent ici. Hein. Oui, bah tiens, je te laisse prononcer son nom de famille, du coup. Oh, mince. Marie-Martine Skins, ou Shins. Ouais. Elle est rousse d'ailleurs. Elle est rouge, j'adore elle les rousses. Elle est un peu rousse, ouais. Très bien. D'accord. Alors, vas-y, ensuite. Voilà, et ben, notre ministre de l'Éducation nationale en France. Ben, oui. Sans tricher. Non. Lui aussi a un double prénom. Elle est très jolie d'ailleurs, Marie-Martine Schintz. Oui, j'ai vu. Oui. C'est qui en France? Alors, c'est Jean-Michel Blanquet. Mais oui, Jean-Michel Blanquet. Non, mais on est censé. Blanquet de veau. C'était peut-être pour ça, tu vois. Voilà. Alors en fait, effectivement, en Belgique, ici en Belgique, les enfants ont repris hier Ils ont repris hier. Le vendredi. Voilà, ils sont rentrés le vendredi. Donc là, ils sont déjà en week-end. Ils sont déjà en week-end. Cool. Je pense pas, il n'y a pas l'école le samedi en Belgique. Non, du tout. Non, hein. Oui, puis à 11h, ils ont bientôt fini dans ce cas-là. Ouais. C'est vrai. Donc ils ont repris hier. Alors faut savoir, bon, une petite info supplémentaire, c'est que l'enseignement maternel bénéficie en Belgique de 1100 professionnels supplémentaires dans les 3 ans à venir, afin de résorber le sous-encadrement de ce niveau d'enseignement, parce qu'apparemment il y avait vraiment un manque. Et en même temps, il y a aussi des moyens supplémentaires qui sont affectés en aide administrative et éducative aux différentes directions des établissements scolaires, aussi bien en maternelle, en primaire et en fondamentale. C'est bien ça. Voilà. De se doter de moyens dans l'éducation, je pense que c'est une des solutions C'est pas mal. Pour l'avenir. C'est pas mal. Alors en France, la rentrée, on a des gens qui le savent très bien ici. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des tests au L-Bar, il y a un concert ce soir. Un concert reggae ce soir, je crois, c'est ça. Et donc il y a des répètes. Ah, voilà. Donc on mettra un peu de reggae pendant l'émission. Oui. En France, Donc c'est demain. Pas dimanche. Hein. C'est lui ici, celui lundi. Qui fait sa communion, celui qui fait son. C'est demain à la messe. Logan reprend lundi, c'est ça, à 9h. Ouais, 9h, c'est ça. 9h. 9h et midi. Tranquille. Et t'as pas l'après-midi? Non. Pourquoi? Parce que c'est la première journée. Non, ça c'est la première demi-journée. Ouais, première 2h. Et comme pourquoi les Français ont prêt. Tu vas être fonctionnaire déjà plus tard. On les prépare à être vraiment. Parce qu'on est 2200. On est 2200 dans le lycée, du coup ils font rentrer. Échelonné. Ouais. Et alors le jeudi, tout le monde va arriver en même temps. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas pareil. Génial. C'est quoi la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Il y a le bon, il voit quelque chose, il tire. Mauvais, il voit quelque chose, il tire, mais c'est pas pareil. Hein? Ouais. J'y crois pas. Non, mais je suis sûr. Hey, 9h, midi, s'il les lâche à midi 5, le lendemain, il arrive à 9h05. Hein. J'ai fait des heures sup. Hein. Ah, peut-être bien. Ouais. Non bah oui. Ah, bah attends. Et donc, la rentrée en France là, alors, en France, là aussi, là, Logan n'est pas concerné. Hein, c'est pour les plus petits. Hein, les rythmes scolaires reviennent à la semaine de 4 jours. Un choix. C'est un choix, mais bon, je pense que beaucoup. Enfin, voilà. Ça a été choisi par 37% des communes. Hein. Et donc, certains ont déjà repris d'ailleurs. Ouais. Pour combler les gens qui perdraient. Pour combler ça. Ouais. Donc, un enfant sur trois n'aura donc pas. Plus l'école le mercredi. Très bien, donc il y aura aussi un Français sur trois qui ne travaillera pas le mercredi. Voilà. Et 12 fonctionnaires sur 10 qui ne travaillent pas le mercredi. Après, non, je suis fonctionnaire en plus. Donc, Je pense que ça t'a dû le voir aussi, dans les zones d'éducation prioritaire, on va limiter le nombre d'élèves à 12. Dans les classes de CP, justement, pour que l'apprentissage de la lecture se fasse le mieux, parce qu'une étude montre que c'est la lecture... La maîtrise de la langue qui permet vraiment de, même en science après, de ne pas développer des lacunes, parce que quand on ne comprend pas le problème, parce qu'en français on a un mauvais niveau, et ben on ne peut pas résoudre le problème en mathématiques. Et donc en fait, oui, le français c'est aussi la langue, c'est la base dans l'éducation et pour la suite dans toutes les disciplines. Voilà, et au collège, des études dirigées seront proposées à partir de la Toussaint. Donc voilà, des cours supplémentaires pour ceux qui veulent. Très bien. Donc on a une rentrée scolaire, alors voilà, il ira avec son sac, bien sûr. Son cahier, pas besoin de plus, non, et puis ton stylo 4 couleurs, bien sûr. Tu prendras une feuille. Moi je prendrai des feuilles et puis une trousse avec un ou deux stylos. Ouais. Oui, mais j'imagine qu'il y aura des trucs électroniques avec toi. Bah mon téléphone. Ouais, parce que Logan lui la rentrée scolaire, bon il s'y intéresse un petit peu de loin, mais toi tu t'intéresses plus à la rentrée technologique quand même. Ouais c'est vrai. C'est vrai ça. Alors qu'est-ce qui nous arrive là bientôt? Bah je vais vous parler d'un smartphone qui est sorti il y a quelques jours et puis d'un smartphone qui va sortir dans les prochains jours. Ça te va? Ça m'est choisi. Bah, c'est parfait alors. Alors le 23 août 2017 il y a le Galaxy Note 8 de Samsung. Oui, il reprend les bonnes habitudes. Ouais. Qui a été annoncé. Donc avec un écran 6,3 pouces en 2960x1440. Donc c'est vraiment... Haute résolution. Très haute résolution. Un processeur qui ne change pas de l'ancien, qui est le Exynos 8895, cadencé à 2,3 GHz. Et il y a un truc énorme dans ce téléphone, c'est qu'il y a 6 Go de RAM. Donc je sais pas si tu sais un peu ce que ça représente. Bah, un bateau avec beaucoup de RAM, ça va vite, mais il faut que les RAM elles soient coordonnées. Ça, je le sais. En gros, bah, c'est comme dans un PC. Il y a des PC, il y a beaucoup de PC qui intègrent 6 Go de RAM. Donc c'est aussi c'est très très puissant. On peut... Ouais, 6 Go de RAM. Je sais pas, tiens, sur le tien, s'il est marqué en bas ou. Non, comment tu veux peut-être que je 8 gigas, je sais pas. Il doit être marqué peut-être quelque chose. Je demanderai, c'est ton père qui me l'a vendu. Qui me l'a vendu. Donc il filme en 4K. Ah ouais, donc c'est au-dessus de la haute résolution, ça. Ah oui, mais c'est très très très... Très haute résolution. Ah ouais, on est dans très très... Ouais, ouais. Avec stabilisation et tout, donc quand on fait des mouvements un peu, quand on court avec ou quoi, ça va stabiliser l'image, ça veut dire que ça va pas trop bouger quand on va filmer, donc ça c'est plutôt pratique. USB-C, ça il l'avait déjà sur le S8, mais c'est le câble un peu pour tout le monde, même avec la qu'on peut mettre dans les deux sens. Oui, c'est ça. Ah ouais, ouais, moi sur mon Huawei, ouais. Bah, j'ai ça. C'est génial. Hein. Ouais. C'est vraiment bien. En plus, tout le monde va commencer à le prendre, donc ouais. On aura plus plein de chargeurs différents pour chaque truc. Donc, Bah, tant mieux, parce qu'en fait, avant, t'avais un chargeur, t'avais un sens. C'est comme une clé USB. Tu la mets, putain, elle rentre pas. Oui. Alors tu la retournes, et tout le temps. Et elle rentre pas non plus. Ouais. Parce que c'était le premier sens qui était bon, mais tu le mettais mal. Ouais. Non, mais et les chargeurs, c'est pareil. Et à force, et t'abîmes les pattes. Voilà, t'abîmes. Voilà. Donc tu me disais tout à l'heure que la batterie, oui, la batterie un peu moins. Oui, alors la batterie, qu'est-ce qui leur arrive? Ah bah, je sais pas, là, les milliampères, c'est exactement les mêmes, 3300. Normalement ça devrait bien tenir, après comme c'était une version test pour l'instant, la vraie version sort le 15 septembre. Donc on verra, mais pour l'instant effectivement, si tu me dis, je te crois. Et 3300 milliampères, ça fait combien d'ampères? Ça fait 330. 33, je sais pas. 3,3 je 3,3, pense. 3,3, ouais. Ah mais retourne à l'école quand même. Que 3h lundi. Temps. Que 3h lundi. Est-ce que t'as déjà de la physique? Ah bah. Non. Non, c'est la rentrée, on va donner ton carnet de correspondance, machin. Faut se calmer. Et le prix, par contre, ça. Ah oui, alors le prix, dis-nous, on va parler argent dans le foot, mais argent dans tu la technologie. Plusieurs joueurs. Ouais. Alors combien? Non mais il coûte 1009 euros. 1009 euros? Ouais. 1009 euros. Et par contre avec les. Quand on le précommande, il y a le Samsung. Le Sum 5, pardon. Ouais, Sum 5 Dex. Qui est inclus avec le pack et qui permet de transformer ton téléphone en ordinateur. Donc tu poses le téléphone sur ce petit dock, tu le branches à un écran et tu peux l'utiliser comme ordinateur. Et vu qu'il est super puissant, bah, on a l'impression d'avoir un vrai ordinateur. Très bien. D'autres sorties donc technologiques? Donc pour le 12 septembre 2017, donc là c'est plus tard, là, ce sera pas la sortie mais l'annonce, de l'iPhone 8, iPhone Edition, iPhone X, on sait pas encore exactement le nom. C'est l'iPhone, c'est les 10 ans de l'iPhone, donc ils vont faire un iPhone spécial, avec un écran OLED sans bordure, donc avec des bords très fins tout autour, qui serait fabriqué par Samsung apparemment. Donc, Ah bon? Ouais, oui. Et oui, bah, ça fait plusieurs années hein, que Samsung font des composants pour la marque à la pomme. Oui, bon, ils s'entendent maintenant, puis ils s'entendent sur le prix aussi, j'imagine que le prix est plutôt prix, pareil. Ça va être un peu préparé, on n'a pas encore les prix vu qu'il n'est pas annoncé. Mais, Alors qu'avant, la marque coréenne était un peu moins chère que la marque à la pomme, ouais, et en fait maintenant ça se... Maintenant c'est un peu préparé. Par contre, le prix du Samsung va vite descendre, c'est-à-dire que le... Le S8 était sorti à 909 euros et puis maintenant on peut le trouver à 600. Donc alors que ça fait quoi? Ça fait 4-5 mois qu'il est sorti. Les prix baissent assez vite. Alors que les iPhones. Et la marque à la pomme, le prix ne baisse pas, à part si on l'achète en reconditionné ou en. Quand il n'est pas neuf quoi. Il devrait plus y avoir de bouton home sur le téléphone. C'est-à-dire que le bouton, comme sur le Samsung, hein, comme sur les nouveaux, je ne sais pas si tu as vu. C'est tactile. Ça va être tactile et implémenté dans l'écran. D'accord. Donc voilà. Et alors toi, le choix, tu prendrais lequel? Ah bah j'attends de... Pour l'instant, le... Moi je suis plus... Papa sans le chèque. Moi je suis plus Samsung, mais j'ai pas vu encore le nouvel iPhone, vu qu'il sera annoncé que le 12 septembre, ça se D'accord. peut que ce soit bien, moi je... On verra. On fera un comparatif et puis tu le mettras sur ta liste de Noël. Bien sûr. Alors là on parle rentrée depuis le début, hein, rentrée scolaire, rentrée technologique et tout ça. Mais toi Marie, tu nous engages à sortir plutôt. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme sortie du coin actuellement? Alors, ce week-end, beaucoup de brocantes. Hein. Oui, toi qui adores ça donc, en plus. Oui, le premier week-end de septembre est un week-end brocante. Donc, aujourd'hui, il y a la brocante d'Amougy. Mm-hmm. Donc, c'est au Mont-Saint-Aubert, pour ceux qui connaissent. Demain, c'est la brocante rue de Menin. Donc, une énorme brocante à Moucron. Rue de Menin, normalement, il y aura entre... Allez, 400 et 450 exposants, donc c'est assez long. Il y aura aussi, il y a la petite buvette avec, il y a un château gonflable en fait pour les enfants, pour s'amuser. Et il y a aussi la braderie de Lille ce week-end. Ah oui, qui revient après un an d'absence. Oui, voilà, exactement. Donc gros événement en perspective, en tout cas pour ce week-end, en matière de brocante. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas en faire? Ah, moi, je fais tout. Ah ouais? Ouais, cet après-midi, je vais à Mougy. Demain, ben, c'est sûr. En fait, j'habite dans le centre-ville de Moucron, donc franchement, la rue de Mena, je ne peux pas y échapper. Voilà, si tu même sors, si tu je passes. Le veux. Ouais. Et non, la braderie de Lille, par contre, pour moi, c'est un peu trop grand. Et je trouve qu'on voit pas assez les choses parce qu'il y a tellement ouais, de monde ouais. que. Ah, je suis entièrement d'accord. Enfin, voilà. Puis après, alors, t'as le côté de la citadelle où tu trouves un peu les vieilles choses, tout ça. T'as le vide-grenier. Mais les brocanteurs, oui. Ouais, t'as tous les bradeux, après, enfin la braderie, enfin le brocanteur. Et après, t'as la braderie, qui est plus professionnelle. Donc t'as ouais. tous les commerçants ouais. qui exposent et tout ça. Et puis après, t'as aussi un petit peu toutes les contrefaçons aussi. Hein, on remarque tout ça. Puis après, t'as des stands de bouffe aussi un peu partout. Donc après pareil, t'es agglutiné, t'as chaud, ça sent la bouffe. Et puis il y a une année d'ailleurs au niveau hygiène, c'est-à-dire qu'en fait il y a un gars, il s'était fait contrôler, enfin, voilà, donc bah écoute, tu fermes ton stand, hop, ils ont foutu de la javel sur ses merguez, puis t'allais les rincer, puis t'allais les recuire. Et puis voilà, donc bon, il a été, il a pas duré encore longtemps, donc ça c'était ouais. il y a peut-être 2 ou 3 ans, vu que l'année dernière il n'y avait pas. Mais en tout cas beaucoup de sécurité sur la braderie aujourd'hui bon. Et demain. Ouais. Oui, ouais, bon, on se posait quand même la question sur effectivement beaucoup de sécurité dans la braderie. Il faut espérer qu'au niveau des transports en commun, ça soit la même chose aussi. Ouais. Parce que bon, tout peut arriver à n'importe quel endroit, quoi. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut plus sortir de chez soi. Hein. Ah non, bien sûr, on continue. Mmh. On continue à vivre. Tu as d'autres sorties pour le reste de oui. l'émission? Oui, oui, tout à fait. Donc, à partir de samedi, donc le samedi 9 septembre, il y a Jeunesse et Santé donc, qui propose en fait un parcours de 2,5 km par groupe de 15 personnes. Donc en fait, les départs se font ben, au sein de la mutualité chrétienne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au 8 rue Saint-Joseph à Moucron. La balade, en fait, c'est destiné aux enfants, mais bien sûr accompagnés de leur famille, donc de leurs parents. Et les groupes, en fait, sont encadrés par 2 elfes animateurs. Donc ils s'arrêtent à chaque étape, écoutent les personnages et participent aux différents jeux et activités proposées. Donc le premier départ, c'est à 18h et le dernier départ, c'est à 21h. Pour participer, c'est 1€ par personne. Et pour toute question, vous pouvez contacter par mail Jeunesse et Santé. Donc c'est js.moucron@mc.be ou par téléphone au 056 39 15 22. Voilà pour la balade enchantée de la mutu. Très bien, on se retrouve dans le reste de l'émission, oui. toujours pour plein de choses. On retrouve juste après Philippine qui nous parlera, elle, d'un film qu'elle est allée voir, c'est ça Philippine? Oui. Eh bien, c'est toi qu'on retrouvera donc juste après. Alors, juste après quoi? Eh bien, juste après Le Lac de Julien Doré. Sur les bords du lac. mets sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Et donc c'était Julien Doré qui nous interprétait. D'interpréter quoi, Alain? Le lac, bravo. Le bord du lac. Ah, peut... oh, mais toi aussi tu chantes. Allez, tu vas nous le faire, tes vocalises. On peut faire un trio du coup. Ouais. Oui. Philippine, tu es allée voir un film. Tu es allée voir d'ailleurs avec une très belle liaison. Oui, comme ça. On a dit que la langue française était très importante. Je suis en train de montrer aux auditeurs qu'effectivement, on passe pour un con quand on parle pas bien français. Donc, tu es allé voir un film qui s'appelle 120 battements par minute. Donc, il est sorti le 23 août en France et en Belgique il y a quelques jours. Oui. Donc, une semaine après la sortie en France. Et donc, c'est à mon sens le film incontournable de cette rentrée. Ah oui, carrément. Oui, carrément, parce que ça m'a vraiment... Enfin, je pense tous dans la salle, ça nous a cloués sur notre siège. Il n'y a personne qui osait sortir de la salle juste après. Donc c'est un film réalisé par Robin Campillo, c'est pas son premier film. Hein. Et donc pendant 2h20, il revient sur les années SIDA. Donc les années 90 et sur la lutte qu'ont dû mener les activistes de l'association ACT UP pour sauver des vies face à cette maladie qui tuait beaucoup et aussi face à l'indifférence générale des pouvoirs publics à l'époque qui ne menaient aucune action pour les malades du sida et aussi face aux laboratoires pharmaceutiques qui semblaient ignorer cette maladie. Et donc, le film, il a reçu le Grand Prix au Festival de Cannes. Hein. Faut le dire quand même. Ah ouais, quand même. C'est vrai que tu nous présentes pas le petit film que j'ai réalisé avec mon smartphone qui ne filme pas en 4K, mais... Voilà, Grand Prix au Festival de Cannes 2017. Le prix Fipresci, donc c'est, Fipresci, pardon, c'est le film, le prix de la critique internationale. Aussi, la Queer Palm, c'est la palme LGBT qui existe depuis 2010. Ouais. Et le prix du public au Festival de Cabourg, donc voilà. Donc bien primé ce livre, ce film. Ouais. Ouais, oui, voilà. Mais j'écrirai le livre après. Juste après, ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc faut savoir que le sida, on a commencé à en parler en France seulement dans les années 82, hein, et on parlait de cancer gay à l'époque, on ne disait pas le mot sida. Ah ouais. Et ça montre bien les discriminations qu'il pouvait y avoir dans la société à l'époque. Hein, c'était une maladie pour un type de personne qui avait un type d'orientation sexuelle précise. Et ensuite, il y a plusieurs films qui sont sortis, mais qui traitaient du sida seulement à travers des destins individuels. Comme par exemple le film Philadelphia avec Tom Hanks, génial. Tom Hanks, ouais. Et alors que là, ça traite vraiment de cette cause, mais au niveau collectif en fait. Donc je disais tout à l'heure que c'est un film qui m'a cloué sur mon siège et qu'à la fin, personne pouvait n'oser même bouger ni sortir parce qu'en fait, y a, à la fin du film, il n'y a pas de musique, tout s'arrête d'un seul coup et ça montre que tout est en tension. Tout est à chaque moment, le film est fort en fait et qu'il y a la tension, on la sent à chaque fois, même à la fin, et c'est ça qui nous empêche de bouger un peu. Et on essaye tous un peu de se remettre de ce micro-choc qu'on avait subi, quoi, entre guillemets. Et donc ce film, je trouve, est d'une justesse incroyable, et cela, je pense, est dû à la superposition un peu de toutes les facettes. Il y a plein de dimensions dans ce film. C'est-à-dire qu'on a une vision à la fois historique du phénomène, mais aussi une vision plus romancée, plus romanesque, grâce à l'histoire personnelle des personnages. Et ça comporte évidemment une dimension politique, hein. C'est un film qui est très politique. qui montrent parfois l'inaction, l'indifférence des pouvoirs publics, les laboratoires qui préfèrent faire de l'argent que de traiter une cause qui tue autant, et ce qui est révoltant d'ailleurs. Ah oui. Et donc voilà, c'est un film qui retrace ces années SIDA, et donc par conséquent les années ACT UP, qui est une association qui est née dans les années 89, dans l'année 89, pardon. Et donc c'est une association militante issue de la communauté homosexuelle à la base. Mais après, bien sûr, il y a eu d'autres orientations sexuelles, enfin personnes d'autres orientations sexuelles qui sont ajoutées. Tu te malade ? Oui, bah, même pas forcément des séropositifs, il y avait aussi des séropositifs. Qui sont ajoutées dans la... Voilà, des personnes hétéros ou même des séronégatifs. Et aussi, on voit par exemple dans le film une dame qui milite parce que son fils a été contaminé à l'âge de 16 ans, mais par transfusion sanguine. Ah oui. Parce qu'il y a eu cette affaire dans les années 80-90 où on transfusait du sang aux personnes malades, mais du sang qui était contaminé. Et donc ça a fait un scandale, c'était sous gouvernement Fabius à l'époque. Mais d'ailleurs encore aujourd'hui avec cette crise, c'est en train d'être retravaillé, remis en débat dans les instances politiques. Le don du sang, les homosexuels ne pouvaient pas, alors après je suis en train de changer, je ne sais pas si c'est passé au niveau d'un texte de loi, mais ne peuvent toujours pas donner leur sang. Donc voilà, par... Mais voilà, c'est... Donc c'est vrai que finalement tu dois donner ton orientation sexuelle pour aller donner du sang. Donc maintenant après celui qui dit qu'il n'est pas homo parce qu'il sait qu'il ne pourra pas le donner, voilà, je veux dire le problème il est pas là quoi. Tu vois, c'est surtout après faire des tests et puis les homosexuels ont du sang très sain. Bah oui, tout à fait. Et donc oui, voilà, c'est ça. Le problème c'est qu'on faisait des amalgames entre la maladie et puis l'orientation sexuelle des personnes, ce qui était vraiment ridicule. Enfin, et au début du film, ils disent une phrase qui est marquante, ils disent « On n'est pas une association de malades, mais on a un groupe d'activistes qui vise à défendre les droits de toutes les personnes touchées par le sida. » Donc à la base, c'est une association militante issue de la communauté gay, mais ils défendent tout le monde en fait, hein, tous ceux qui ont été contaminés par transfusion sanguine, les séros, enfin, il y a des séronégatifs qui militent même pour cette cause. Et donc cette phrase prononcée au début du film, elle annonce déjà la couleur de ce qui va se passer après. Ce sont des activistes qui se retrouvaient et qui se retrouvent encore, parce que l'association existe encore, en réunion hebdomadaire, plus communément appelée RH en fait, ils appellent ça les RH. Au sein en fait de débats qui sont encadrés, parce que tout le monde veut prendre la parole, et c'est assez violent parfois dans les propos, les gens qui sont pas du tout d'accord sur les actions à mener. Parce que ce sont des actions qui sont très choquantes en fait. Par exemple, ils font des actions dans les laboratoires pharmaceutiques. Il est interdit de rentrer, absolument interdit de rentrer, et pourtant ils rentrent en forçant. Et ils lancent des poches de faux sang sur les directeurs de laboratoires, sur ceux qui travaillent dans ces laboratoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une maladie... Quand on l'a, tout devient urgent en fait. Une urgence, il y a une certaine urgence de vivre cette situation qui est inhérente à la maladie. Et cette urgence permanente dans laquelle ils vivent, elle est d'autant plus insupportable que les pouvoirs publics ne faisaient rien. Et donc, il fallait agir tout le temps de manière à choquer avant qu'il soit trop tard. Et c'est ça qu'aujourd'hui, voilà, quand on veut faire avancer une cause, malheureusement, on est souvent dans la discussion au départ. Et on ne se fait pas écouter, on ne se fait pas croire, voilà, on se fait un peu balayer. Et puis effectivement, après, c'est des actions plus tranchées, voire des fois violentes, qui font avancer certaines choses. C'est dommage, mais c'est vrai que, un peu comme ça, c'est quand on prend une claque dans la gueule et qu'on a peur, qu'on commence à réfléchir. Mais surtout en France. Hein. Enfin... Oui, c'est un mal très français, tout ça. Ouais. Et donc, tu disais, ce film, 2h20. Oui, 2h20. Et 120... battements par minute. Voilà, 100 battements par minute. Ça équivaut quoi, les battements du cœur alors ? Voilà, donc ça correspond à cette urgence de vivre, tout va vite, il faut se dépêcher de vivre, et puis en même temps, c'est pas un film qui est spécialement triste, il n'y a pas de nostalgie dans ce film, il n'y a pas de choses comme ça. On voit les malades qui arrivent quand même à s'amuser, ça correspond aussi à la musique qui fait des battements comme ça. Ah oui, les BPM. Oui, je m'adresserai ensuite à un pro de la musique qui nous en rejoint. Voilà, et donc comme laboratoire, il y a Melton Farm par exemple, c'était à l'époque, ça existe encore, un laboratoire qui voulait pas communiquer les résultats de leurs tests, qui pourtant étaient prometteurs. Et c'était révoltant parce qu'il fallait agir tout de suite dans ces cas-là. Mais il y a toujours cette dimension politique, hein, on connaît, on sait, mais si on dit, eh ben ça va peut provoquer une crise, ou on peut perdre de l'argent, ou, ou on va faire évoluer une société. Mon Dieu, si aujourd'hui on est en train de dire que l'homosexualité, c'est pas si grave que ça, nous, chrétiens, et puis habitués à ce que ça soit le modèle hétéro qui domine, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver si on ouvre une porte, quoi. Et après, il y a aussi, voilà, tout... Enfin, alors après ça c'est plus tragique, mais il y a des gens qui ont attrapé la maladie, qui ont, voilà, comme ils n'avaient pas de entre guillemets de reconnaissance, d'aide, ils étaient mis de côté, tout ça, bah ils développent aussi des émotions, des colères et des comportements. Et j'ai un ami qui a perdu sa sœur, qui s'est fait contaminer par un mec qui lui passait son temps à essayer de contaminer le plus de femmes possible. Ouais. Parce qu'il a été contaminé, il l'a pas su, il s'est fait avoir par une femme. Bon, il s'est fait avoir, ils se sont pas protégés, il a attrapé le sida. Et puis bah voilà, et il a été très en colère par rapport à ce qui lui est arrivé. Il a pété une durite et puis bah tu vois, il s'est vengé sur des centaines de femmes. C'est dommage que effectivement quand c'est arrivé, on ait un peu trop fermé les yeux. Maintenant c'est punissable, hein, c'est condamnable. Ça. Oui, bien sûr. Et donc, d'autres choses autour de ce film. Bah, on voit les personnages qui sont inspirés de personnages qui ont existé, enfin de personnes qui ont fondé l'association. Par exemple, Thibaut, le personnage de Thibaut, qui est inspiré de Didier Lestrade. C'était un des cofondateurs de d'ACT UP, qui a été contaminé par le sida également. Voilà. Et parmi les présidents assez connus et emblématiques de l'association, on a Klaus Velay. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un personnage, une personne qui a été aussi atteinte du sida et qui militait pour cette association. Et Victoire Patouillard aussi. C'est des gens qui sont très militants et je pense que c'est intéressant pour notre génération de voir ce film. Je trouve qu'on est carrément moins militants. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Massacre au sida existe encore, tue encore, et apparemment dans les chiffres, les jeunes se protègent de moins en moins. Donc effectivement, il y a toujours de l'éducation à faire, et c'est vrai que c'est peut-être un très bon film dans les écoles autour de l'éducation à la sexualité, peut-être de le montrer via ce film. Puis justement, tout ce que tu nous as transmis là, on voit qu'il y a de l'émotion, en tout cas quand tu l'as vu, et puis une sidération. Et ça fait réfléchir, et ça peut être un bon ciné-débat autour de ce sujet pour faire avancer les choses. D'ailleurs, ils organisent sur Facebook, on peut voir des événements, ils organisent des débats autour de ce film dans des universités ou des choses comme ça. Je pense que ça peut être intéressant de débattre avec d'autres personnes. Très bien, et bien merci beaucoup Philippine. Merci. Tu nous as donné envie de le voir, effectivement. Moi, j'aime bien, voilà, c'est un des films qui peuvent lancer des débats. Moi j'aime bien ça, donc effectivement. Ouais. Je regarderai un petit peu la programmation dans les cinémas du coin. Et puis on ira voir ça. Puis après ça peut être un sujet, on parle santé aussi, hein, dans Il y a du monde chez Léon. C'est un sujet qu'on pourra reprendre tout au long de l'année. On se retrouve après avec Alain qui va nous parler des moyens policiers, là pour le coup, en France. Ah oui. Ouais, on va se marrer un petit peu sur la police française. Je crois. Rico qui est arrivé et qui va nous parler de la rentrée sur RQC. Et Marie qui est toujours là, et là on avait les sorties du coin, et là on passe aux sorties du coin-coin. Mais oui, j'avais pas oublié que c'était les sorties du coin-coin et que t'aimais bien ça. Et là on s'écoute Heartbeat. Chase and Statue, we just bought a guitar mix. Ouais, je me suis mis en anglais pour les vacances. Ça fait mal. Hein. Tu aurais dû laisser Philippine le prononcer. Ouais, c'est long là. T'as retenu tout ce que j'ai dit? C'est Kneka et Chase and Statues. On y va? Oui. Moi, c'est dur à dire tout ça. You said you'd be there for me in times of trouble when I need you when I... And likewise, you need friendship. It's from my sapula, but isolated things have been changing. You have goals to achieve, but the road you take are broad and heartless. The ones you make, you're not aware. You throw stones. Can you see that I am human? I am breathing, but you don't give a damn. Say, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, De la radio à gogo. De la radio à gogo avec des gogo. Pas des gogoles, hein. Des gogo. On avait un gogo dancer qui était là. Oh. Oh Rico, il monte du doigt là quand je parle de gogo. Mais installe-toi Rico, ça est à toi là. Attention. Non mais viens dire bonjour à nos auditeurs. Eh bien bonjour à toutes et à tous. J'ai annoncé un début d'émission, la saison 2 de Y'a du monde chez l'on qui a commencé. La saison 2. Ils reviennent, ils sont pas contents. Vous êtes season 2. Vous êtes contents? On oui. est contents. Oui, on est contents. Ah ouais, ils sont contents. Après, si on n'est pas dans Game of Thrones, tu vois, il n'y a pas tonton qui couche avec la cousine, qui a tué le petit neveu. Ça fait un peu Secret Story. Mais carrément. La saison 2. Ah non, moi j'étais sur Game of Thrones, elle nous sort Secret Story. On n'a pas les mêmes valeurs. Ouais. On parle si les deux pouvaient disparaître du paysage audiovisuel, ça serait formidable. Ça donnerait du temps disponible de cerveau à plein de gens. Il est extrémiste. Mais non, mais ça serait vraiment très chouette. Game of Thrones, il n'y a que 7 épisodes. 7 saisons. Sur... Oui. Ah ouais. Oui, mais attends, regarde, la prochaine, ça sera en 2019. Ouais. J'ai tenu 37 attends. Minutes. Sur l'ensemble des 7... T'as regardé le premier épisode? J'ai tenu... Non, mais sur l'ensemble des 7 saisons. Non, mais donc, est-ce que en, tu tout avais et, le... en tout et pour tout, j'ai tenu 37 ouais, minutes. Est-ce que tu avais regardé le tout premier? Mais je mettrai pas de commentaire là-dessus. Il y a des dragons. Mm-hmm. Ah ouais. Il y a des bateaux. Uh-huh. Il y a du cul. Ah. Ouais, enfin, bon. Oh, ça l'intéresse pas. Oh, écoute, ah, voilà, cela voilà, nous... Voilà, voilà. Voilà. Alain, donc tu me disais, oui. On va pas faire de transition, on a bien compris que direct. Game of Thrones, voilà, c'est tout. En France, la police est un petit peu en galère apparemment. Enfin, et pourtant, ils sont sur le pied de guerre, c'est ce qu'on peut dire. Mais... Ouais, ouais, mais... Qu'est-ce qui leur arrive? Bah, il leur arrive plein de choses, à savoir que bon, là, il va y avoir d'ailleurs une manifestation de soutien à la police le 16 septembre prochain. Mmh. Et t'as une organisation qui se dit asyndicale, l'UPNI, donc l'Union des policiers nationaux indépendants, qui a invité chaque policier, enfin les policiers qui voulaient bien s'y prêter, à envoyer des clichés mettant en lumière la dégradation du matériel et leurs conditions de travail. Alors, bah, donc... Je vais te donner un peu quelques exemples de ce qu'ils ont pu prendre en photo. Alors, par exemple, des véhicules qui affichent plus de 300 000 km au compteur. Comme quoi elles sont fiables, les bagnoles françaises. Hein, voilà. Donc, quand tu dois poursuivre, à la limite, prends ton vélo, t'iras plus vite. Hein. Putain, passe la cinquième, Michel, passe la cinquième. Elle passe pas, elle craque. C'est quoi qu'on entend là? C'est le moteur. C'est le diesel, ça va, ouais, ça tient, ouais. Quoi. Alors, dans un autre registre, des urinoirs bouchés qui débordent, hein, dans les commissariats. Hein. Attends, vu l'actualité, est-ce qu'ils ont le temps d'aller pisser et chier dans la journée? Ben voilà, non, mais non. Après, t'as carrément des commissariats fermés au public pour cause d'insalubrité. Ah ouais. Carrément, non, mais faut le faire quand même. Le service public fermé au public. Ou encore, des portes rafistolées avec des morceaux de carton. Oui. Hein, eh bien, Joe la débrouille... C'est une qualité à développer dans les écoles de police aujourd'hui. Avant d'apprendre à tirer, ils apprennent avec des boîtes à chaussures à faire tu vois, des choses exceptionnelles, des armoires et tout ça. Tu vois. Mais il y a un revival MacGyver. Hein. Ouais. Ah non, mais c'est ça, c'est pratiquement ça. Ils vont faire un reboot. Selon le président de cette association, hein, un policier perdrait 45 minutes par prise de service pour trouver du matériel en état de fonctionnement. Un stylo 4 couleurs ben presque. Cela peut aller de la radio qu'il faut rafistoler par ses propres moyens. Pour écouter MacGyver, RQC. Hein, mm-hmm. Voilà. À une voiture dont les ceintures sont hors service. Hein, quand toi, tu dois mettre ta ceinture, eux ne la mettent pas, hein, mais ils ne peuvent pas la mettre. Ah ouais. Ou, attends, pire, des armes inutilisables. Elles tirent de coin. Et sans parler, alors là c'est pour moi ça ils l'ont mis pour moi je crois. Sans parler du matériel informatique d'un autre temps qui tombe en panne régulièrement ou des commissariats inondés par temps de pluie. Voilà. En même temps, moi je dis c'est un petit peu de leur faute si leur ordinateur ne va pas bien. Parce que au vu du claquage de touches à deux doigts, s'ils avaient une écriture clavier un peu plus intuitive en usant toutes les mains et éviter le clac clac clac clac comme s'ils avaient des machines à écrire d'ailleurs, peut-être qu'ils abîmeraient moins. Ça fait super cliché quand même. Je suis sûr que même Rico il a le T9 sur son téléphone où il peut écrire plus vite qu'un policier. Ouais, non, mais ok. Mais, et il tire plus vite que son ombre. Ouais. Mais c'est dramatique parce que ça fait super cliché. Moi, je me souviens d'une émission ici, je ne sais plus, mais enfin, il y a bien 10 ans, où on a, je pense. Quasi les mêmes mots, tu viens de dire maintenant. Ouais. Quasi les mêmes, quoi. Les flingues, et les chiottes bouchées, le matériel informatique dépassé, la perte de temps pour pouvoir opérer, etc. Je pense qu'on a fait un débat, je ne sais plus qui était... Enfin bref, je ne sais plus qui était intervenant. Mmh. Et dans l'interview, je me souviens que c'était les mêmes mots. 10 ans plus tard, tu dis la même chose. Ça change. C'est pas. Un peu inquiétant quand même. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'à côté... Alors, il y a eu des moyens qui ont été débloqués, hein, mais c'est pour la BAC. Voilà, là on a 250 millions d'euros d'achat de matériel, mais justement, bah, ceux qui sont dans les commissariats, ceux qui vivent au jour le jour, justement, et qui sont censés nous protéger, ces moyens-là, ils les ont pas vus venir, quoi. Donc, comme tu dis, si on a l'impression que 10 ans après, on peut tenir encore les mêmes dialogues et les mêmes constats, c'est ça, parce que ça surtout fait peur, que quoi. La première urgence. La toute première urgence, généralement, un, c'est l'hôpital, quand c'est voilà, un accident, quoi que ce soit. Mais la première urgence, quand il y a un gros problème social, c'est quand même le bureau de police du quartier, quoi. Non ? Et donc, c'est là que ça doit être... c'est pas la BAC qui vient régler des conflits de voisinage, j'ai envie de dire. Non. Mais et c'est... parfois, il y a des conflits de voisinage qui nécessitent une intervention urgente, parce que, voilà, on peut imaginer plein de choses. Donc, si là où il y a un service pour les gens, bah, le service n'est pas très opérationnel... forcément ça va pas aller, quoi. Voilà. C'est inquiétant quand même, hein. C'est inquiétant, effectivement. On est protégé par avec un manque de moyens, donc c'est vrai qu'on va essayer de pas de psychoter quand même, hein. On va dire que c'est des photos qui sont à la marge quand même. J'imagine que tout le panel de véhicules, tout le on appelle ça le, tous les véhicules qui ont la police française n'ont pas 300 000 km. On a quand même des... Mais c'est plus les services spécialisés qui vont avoir vraiment le matériel. Alors que la police de proximité, quartier qui au final fait un travail vraiment important. D'ailleurs, on revient à cette police de proximité. Il va y avoir des nouvelles expérimentations pour la baisse de la délinquance et tout ça, et travailler plus. Côté un peu social que tout répressif qui ne fonctionne pas. Effectivement, il faut des moyens. Donc, on manque de moyens dans la police française. Est-ce qu'on manque de moyens sur RQC? Ah, probablement. Oui. On a toujours besoin de plus. Probablement. Ouais, là, tu regardes. Il y a beaucoup de besoins. Mais les boutons fonctionnent là. Je sais pas combien de kilomètres à compteur cette table là, mais bon, elle fonctionne toujours. 17 ans. 17 ans. J'ai une tablette devant moi. À quel âge cette tablette 3 ans. Voilà, ans, on appuie dessus. Pour l'instant, elle est toujours pas fendue. Tout ça, ça va. Non, ça va. On a des moyens. On se donne les moyens. On se donne les moyens. On a des moyens. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur RQC pour la rentrée? Ah, déjà moi maintenant. Bah oui. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai rien devant moi. Bah c'est la rentrée. Mais je vous en parlerai après. Parce que d'accord. J'ai pas mes trucs devant moi. Ok. Eh bien, Rucu, on t'annonce. Eh bien, dans la conduite, c'était les sorties du coin-coin juste après la police. Oh là là. Eh bien, non. Relis cette conduite, mon petit Rico. Mais j'ai pas. Tu es à la rentrée RQC partie 2 même. Voilà. C'est bien. Cette partie. En même temps, j'étais pas là à la partie. Hein. Non, mais on te laissera la place. C'était à la un fin peu. C'était un peu comme Game of Thrones, quoi. Mais si t'avais loupé la partie 1, c'est pas grave. Tu peux te rattraper dans la partie 2. Y a pas de soucis. Je te trouve du temps, j'ai un battement d'une dizaine de minutes après, ça te va? Ouais. Ok, super. Entre 3 et 10, ça va aller. Donc on redonne un peu plus de temps à Marie avec ses les sorties du coin coin qu'on attend avec impatience. Allez, alors, tu nous as parlé, il y a beaucoup de brocantes, rue de Menin, j'ai retenu, une ville que j'ai pas retenue. À Lille. Je refais le récapitulatif. Il y a une course aussi. Une balade. Refais un récap de tes premières. Ok, donc le récap. Aujourd'hui, en 30 secondes. Aujourd'hui, brocante à Mougy. Demain, brocante à rue de Menin à Moucron. Ouais. Brocante aussi au Mont Kemel. C'est dans les monts. Kemel. Comment expliquer ça? Ce week-end, il y a aussi la braderie de Lille. Ouais. Samedi prochain, c'est la balade enchantée mutualité chrétienne. À partir de 18h, et samedi prochain, il y a aussi un autre événement, c'est la SBL Chiara. Donc j'en parle souvent, puisque ça fait un peu partie de ma famille. Vas-y, fais de l'auto-promotion. Oui, voilà, exactement. Donc c'est samedi 9 septembre, donc à partir de 18h30 à l'ICET. Donc l'ICET, c'est l'école Aerzo qui se situe au 20 rue de l'Azus. Vous pouvez trouver donc tout ce qui est information donc sur les billets à la SBL chiaravds.be. Donc en fait c'est un repas qui est organisé. Les adultes c'est 12€ ou 10€ en prévente, les enfants 6€ ou 5€ en prévente. Et donc voilà, on vous invite. C'est un repas spaghetti. Ah très bien, ça passe toujours bien. Oui. Qui n'aime pas les spaghettis? Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui aiment pas les pâtes, mais ils sont à la marge de la société. Ouais, c'est rare, c'est rare. Des extrémistes. Et puis dans les événements, enfin si vous écoutez mercredi, ça sera passé forcément, mais dans les événements du jour, on a une soirée reggae par Roots Family ici au El Bar à partir de 20h avec Anthony Kay en vedette, et puis il y aura, je pense, des DJ reggae et dancehall juste après pour clôturer la soirée. Donc ici c'est pas mal. Au El Bar à partir de. De 20h et c'est 5 euros. Et c'est 5 euros l'entrée, voilà, pour passer une bonne soirée. Ouais, premier événement de la rentrée du El Bar. Il y aura d'autres choses qui vont arriver, mais il y a ça ce soir. Et puisque tu étais dans les brocantes et dans les soirées, bah, allez faire un petit tour à la Ducasse du Petit Courtrai, dans le quartier du Montaleu, où il y a des brocantes, châteaux gonflables, il y a des vedettes des années 60. Oh. Il y a un tournoi de pétanque, il y a plein de choses et plein de bénévoles bien actifs qui bossent dessus depuis une semaine, qu'on salue au passage. Alain, oui. Toi aussi, là, tu as une rentrée qui est ta séquence de l'auditeur. C'est ça. Donc, je te laisse appeler ton auditeur. Je vais expliquer un petit peu. Voilà, comme ça, on y va. Je vais composer le numéro. Allô, les studios. Tu l'appelles, tu dis, tu fais une blague, attention, ici, contrôle fiscal. Vous n'avez pas payé depuis 1995 parce qu'il va appeler en France à tous les coups. Vous n'avez pas appelé depuis 1995. Et donc, à tous les coups. En tout cas, la séquence de l'auditeur. Donc, vous nous laissez un message par mail à leon@rqc.be, leon, leon@rqc.be. Vous nous dites, voilà, on voudrait être appelé, on vous appelle samedi, et puis j'aimerais bien passer tel titre pour telle personne, et puis pourquoi vous voulez le passer. Vous, ou bien, vous nous laissez un message sur la page Facebook de l'émission Il y a du monde chez Léon. D'ailleurs, vous retrouvez tout ce qu'on peut se dire, tous les liens, pour se rappeler de ce qu'on s'est dit pendant l'émission, s'il y a des choses qui vous ont intéressé. Et puis, nous laisser un petit message, c'est toujours possible sur Facebook, dans la rubrique « Laissez un message ». Et puis, vous nous dites que vous voulez passer une dédicace le samedi. Et on s'organise. Donc là, Alain est en train de composer le numéro pour pouvoir appeler notre auditeur qui va nous voir. Le Brésil indicatif, je ne connais pas. Hein. Tu n'as pas de tonalité. Eh bien, tu n'as pas de tonalité. Bonjour, je n'ai pas de tonalité. Oui, ça marche le téléphone. Oui, ça marche le téléphone. Alors, Alain. Nous sommes en direct avec Alain qui essaye de composer. De découvrir comment fonctionne un téléphone. Forcément, ça fait des années que son doigt glisse sur des trucs. Donc, c'est plus qu'il doit appuyer sur des touches. Hein. Ça, il a perdu. C'est le volet tactile. C'est le volet tactile du téléphone. C'est un téléphone qui vient de la police française. Oui, ça. Ça devient n'importe quoi cette émission, je vous préviens. Je n'entends rien. Monsieur, je n'entends rien. Je vous demande de vous calmer. Eh bien, nous allons reporter cette chronique et cette séquence. On l'appellera cette séquence de l'auditeur. On va faire autrement. Tu as peut-être tué dans l'œuf. Il y a la séquence de l'auditeur et la séquence ou pas. C'est la version bis de la séquence de l'auditeur. Bah ou pas. On se retrouve juste après de la musique alors. Allez, dansons. Ah, dansons. Je sais pas ce que tu vas passer. Non, bah, je ne pense pas qu'on on va pas se danser dessus. Non. Bon, d'accord. Bon. Eh bien, ce sera 10 mois des bébés brunes. Ah oui, bébés brunes qui. Et j'ai découvert ça, fêtent leur 10e année. Je ne savais c'est pas ça. Que ce groupe avait 10 ans. 10 ans. Et qui vont venir avec un album avec des influences Daft Punk. Ouyaï. Exactement. Et là, c'est de leur ancien album, ça. 10 mois. Qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça ou non. Car je suis fou de toi ou non. Quand tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque t'embrasses s'égare. Je ne ferai point d'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça ou non. Car je suis fou de toi ou non. Quand tu ne m'appartiens pas. Attache les bras. Quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les graves. Revoyeur en redemande, moi je ne veux que une. Le plus belle des plus belles jambes et de la place pour trois. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça ou non. Dis-moi, dis-moi, non je ne crains. Tu ne m'appartiens pas. Il y a du monde chez Léon. Yeah. Oh. You never had it easy, I know. But I still remember you. And what we used to say so. I say this my song for you, my friend. You can only see. the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. A dear rock, I'm official and not fall it down. Cause she is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes. You never had it easy, I know. But I still remember you. And what we used to had so. This is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. I'm often the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear rock, I'm official and not to fall it down. Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? À table, il est midi. La potée ou le gratin, tant que ça crépite. C'est la cuisine de Léon. C'est la cuisine de Léon actuellement, effectivement, il commence à faire faim, il est bientôt midi. Et donc voilà, aujourd'hui j'avais prévu, hein, je vous avais dit que j'allais vous parler du veau. Du veau qui est une viande plutôt blanche, voilà, c'est un jeune bœuf, il n'est pas trop saignant, c'est bien comme viande, c'est léger. Ce qui est important quand on se fait du veau, c'est la cuisson, premièrement. Parce que le veau, alors je ne sais pas si vous aimez ça, Marie, tu aimes le veau? Oui, franchement. Oui, ça va. Soit tu le fais trop cuire, c'est un peu sec et tout ça. Ouais. Ce n'est pas une viande qui a énormément de goût. Par contre, quand elle est bien cuite et qu'elle est tendre et qu'elle a une bonne texture, tout ça, c'est extrêmement agréable en bouche. C'est fondant, c'est vraiment très bon. Et donc, il ne faut pas rater sa cuisson. Mais comme c'est une viande qui n'a pas énormément de goût, hein, c'est vrai que le bœuf a plus de caractère. Hein, on va dire que la bête a vécu un peu plus longtemps. Là, non, c'est un jeune. L'important, c'est vraiment de trouver l'accompagnement qui va avec, ou en tout cas le jus, la sauce, tout ce que vous voulez qui fonctionne avec le veau. Donc là, la recette que je vous propose, c'est un médaillon de veau au sauterne. Le sauterne qui est du vin. Un vin blanc. Donc dans une cocotte, hein, vous prenez une cocotte, vous faites fondre du beurre. Soyez généreux sur le beurre, là on n'est pas en train de se faire de la cuisine diététique. On fera des chroniques sur la cuisine diététique, oui, mais voilà. Là c'est vrai qu'on a beaucoup de moules frites hein, sur la braderie, mais voilà, je voulais pas tomber dans le cliché, puis on en a déjà parlé des moules frites. Mmh. Et donc je suis allé faire un restaurant gastronomique pendant les vacances et j'ai mangé du veau, je me suis régalé, je me suis dit il faut que je transmette... mon amour du veau. Non, je vais pas dire mon amour du veau. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai une recette de veau. Donc, on a notre cocotte, on a le beurre, on le fait fondre. On fait revenir les médaillons sur chaque face. On laisse pas trop longtemps. Après, ça dépend aussi l'épaisseur du médaillon. L'idée, c'est de pas de le cuire encore totalement. D'accord ? Donc, c'est vraiment faire de l'aller-retour. Et puis, on le réserve sur le côté, sur une assiette. Ça dépend après... vous avez à froid, mais on met du papier d'alu autour, comme ça on le maintient un peu au chaud, il y a toujours la vapeur qui se fait mais qui reste dans l'assiette, donc ça le maintient assez tendre, et donc voilà. Vous faites revenir toujours dans ce jus hein, qu'il y a eu avec le beurre, avec un petit peu le veau qui a sué dans ce jus, vous faites revenir des échalotes. Voilà, vous achetez des échalotes, vous les faites revenir. Alors, on les fait pas brûler, hein, parce qu'après, l'idée, c'est que ça donne un bon goût, hein, pas un goût de cramé. Et puis, quand elles sont bien revenues, que ça commence à dorer, hein, on déglace, comme on dit, on déglace avec du vin. Donc là, on met son sauterne, ça va nous faire une sauce, un jus, hein, lié beurre, échalote et sauterne ensemble. On y met de la crème fraîche, hein, voilà, comme ça on va mélanger tout ça et puis tout va se mélanger ensemble, de la crème fraîche. Alors après, certains n'aiment pas trop les échalotes, après c'est aussi à votre goût. Dans la cocotte, maintenant, bah, vous pouvez remettre votre, vos médaillons de veau pour continuer à les réchauffer à feu doux pendant les 2-3 minutes. On a fait une pré-cuisson, ça cuit assez vite, il ne faut pas que ça soit trop cuit, il ne faut pas non plus que ça soit trop... ça reste pas rouge, mais en tout cas trop rosé, parce qu'après on a quand même un petit goût de sang, c'est pas forcément très, très agréable. Donc voilà, 2-3 minutes, après de toute façon il faut s'entraîner, hein, pour savoir un petit peu combien de temps, on surveille, hein, surtout quand on fait la cuisine, on surveille. On sale, on poivre bien sûr en fin de cuisson. C'est ça, le faire en début, hein, on le fait en fin de cuisson. On sale, on poivre la viande, la sauce. On goûte, toujours important de goûter, savoir si. Alors, c'est vrai que c'est à votre sauce, comme on dit. Tiens, c'est à ta sauce, parce que justement, on goûte la sauce. Si c'est à votre sauce, eh bien, c'est très bien. Voilà, on stoppe la cuisson. Alors, bien sûr, on a prévu à côté son accompagnement, ça peut être plein de choses. On a une crème fraîche, donc voilà, avec du riz, c'est pas mal. On peut mettre du riz. Après, des petites pommes de terre rissolées, bien sûr, encore dans du beurre. Des carottes, c'est pas mal. Voilà, on amène un peu de couleur aussi. Hein. On a la viande blanche, on a la crème fraîche, c'est un peu blanc. Pommes de terre, voilà, c'est, ou le riz, c'est un peu blanc, c'est un petit peu fade au niveau visuel, au niveau couleur. Donc, on peut faire des carottes, on peut même faire une purée de patates douces. Hein, c'est très bon, c'est à la mode, et encore une fois ça, on aura la texture du veau qui est très bon, on aura notre sauce à l'échalote je pense beurre, échalote, crème fraîche, on peut pas se tromper, ça sera bon. Et puis derrière voilà une petite douceur à côté, un peu de sucré salé avec cette purée de patates douces. On peut même faire des frites patates douces. C'est aussi très bon. Donc voilà, après il y a plein d'ajustements possibles. Là c'est une recette simple que je vous donne au niveau du veau. Mais bien sûr on peut faire avec des champignons, il y a des recettes avec du citron, il y a la tête de veau, il y a la blanquette de veau, il y a le veau maringo, le sobuco de veau. Plein de choses, hein, pour le veau. Là c'était une petite recette sur le médaillon de veau. Voilà. Donc je vous dis, hein, 4 médaillons de veau, 2 échalotes, 40 centilitres de sauterne. On s'en réserve un petit peu. On goûte avant. Oui. Hein. Alors après voilà, c'est sauterne parce que sauterne a une caractéristique bien particulière. Après voilà, si on veut pas mettre trop cher, il y en a des pas trop chers, mais des vins qui de cuisson, de cuisine, ça existe aussi. On peut pourquoi pas. Allez, on va pas s'appauvrir dans notre budget cuisine. Hein. 2 cuillères de crème fraîche épaisse. Voilà. Encore une fois, on est raisonnable, on n'est pas raisonnable. L'idée aussi, c'est que on peut avoir une sauce, un accompagnement, mais il ne faut pas que ça baigne. Il ne faut pas que le veau soit en train de nager dans une sauce. Hein. C'est un accompagnement, la sauce. Il ne faut pas que ça soit le principal du repas. Du beurre, du poivre, du sel. Et puis voilà, on est très bon. Mmh. Ça va ? Mais ça y est, c'est prêt. C'est prêt. Qu'est-ce que vous avez mangé de bon pendant les vacances ? Toi, tu as bu du truc de bon, du rosé, barbecue. Je sais. Barbecue. Ouais. Philippine. J'ai pas mangé très équilibré, je crois. J'ai mangé beaucoup de frites. D'accord. Barbecue, pareil. Hein, du coup, mais kebab aussi, hein, bien évidemment. Un kebab. Ah bah, ça. Ben, bouffe de merde. Attends, vous faites rêver. Hein. Frites, kebab, barbecue. C'est classique. Ah ouais. On a tenté différentes cuisines et parfois avec succès, parfois avec moins. Ah oui, du plantage. Ouais, non, mais ça va pas trop de plantage. Et puis, figurez-vous, pas trop de barbecue, pas trop de frites et pas mal de préparations avec des légumes et des sauces et des machins et des accommodements auxquels on pense pas avec. Des noisettes ou des pistaches ou des cahuètes qu'on mélange avec des cuissons et puis ça donne un goût tout à fait différent, donc un peu expérimental mais en même temps c'était chouette quoi. Et ta cuisine des vacances, Marie ? Moi barbecue. Barbecue, hein. Logan a mangé des moules aussi, hein. Ah, très bon. Deux fois. Oui, c'est vrai. Ça, t'as bien exactement. Aimé. Ah ouais, j'aime bien. Bon, alors c'est moi qui ai fait vraiment des trucs, genre un petit restaurant gastronomique avec mon petit médaillon de veau, avec un foie gras poêlé dessus. Oui, tel ça. Après, c'est vrai que j'ai aussi assisté à un mariage où voilà, le marié travaille chez un traiteur. Mmh. Oh, T'imagines un petit peu ce qu'on a mangé. Alors c'était sympa parce qu'en fait c'était pas un, tu vois, un mariage assis où t'attends et puis tu as les plats qui défilent ou tu vas au buffet pour ça. C'est qu'en fait il n'y avait pas de plan de table. T'étais pas assis, c'était des manches debout qu'on appelle ça, tu vois, c'est la mode. Des palettes pour pouvoir s'asseoir sous les arbres. La cérémonie s'est faite dans un champ sur des ballots de paille. C'est très très champêtre. Et puis après c'était un traiteur qui voilà te faisait revenir des viandes, purée et émulsion de pommes de terre, tu vois, voilà, foie gras poêlé. Qu'est-ce qu'on a aussi, des gambas, voilà, sur les planchas. Alors c'était pas du barbecue, c'était la plancha. On a eu pas mal de choses aussi, puis après voilà, dessert, pareil, ils te sortent la comment on appelle ça, la crêpière, mais comme chez les Bretons là, je sais plus comment ça s'appelle cette machine. Et puis voilà, petite crêpe Suzette en dessert, voilà, donc, vraiment. J'aimerais bien qu'ils se remarient à nouveau d'ailleurs. C'était vraiment très sympa, et puis on a eu beau temps heureusement parce qu'on était en extérieur, c'était très bien. Un petit chanteur à guitare. J'embrasse Judith et Jérémy qui se sont mariés cet été. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Et bien voilà, c'était la première séquence de l'année de la cuisine de Léon. Alors ce sera pas toujours moi, je sais que la semaine prochaine, Lily Sou nous amènera d'ailleurs une recette, celle qui nous parlera cuisine. On se retrouve juste après Jacadi de Christophe Willem et on aura réussi à appeler nos auditeurs. Bien sûr. Allez, à tout de suite. Je je lui pardonne. Jacques est un rêve, pas un homme. Il y a du monde chez Léon. Il y a du monde chez Léon. Nous sommes ensemble et ça y est, nous avons trouvé notre auditeur. Oui, il y en a un. Non, mais en tout cas, l'auditeur de la séquence de l'auditeur. Allô ? Allô ? Ah. Ben, je suis poussé à fond. Alors, attention, est-ce que l'on t'entend ? Bonjour. Bonjour à tous. Alors, attends, parce que... Ah, voilà, ça y est, je pense que c'est bon. Ça y est. Faut appuyer sur le bouton quand on t'appelle et faut appuyer sur le bouton quand on t'a. Bonjour, madame. Allô ? Oui ? On entend, là ? Oui, très bien. Comment ça va ? Ça va bien, et vous tous ? Ben ça va, on est dans l'émission Il y a du monde chez Léon, on est là depuis 10h30, et puis vous écoutez, mais c'est super, c'est vraiment très gentil. Ça se passe bien ? Oui, ça va. L'écoute, ça va ? Des choses à dire ? Des critiques ? Non. Pas de critiques, tout est parfait. Oui, tout est bien. Que foyotte. J'ai une belle voix ? Ouais, je peux avoir encore d'autres voix. J'ai plein de voix. Madame a dit qu'elle était en voiture. Elle est en voiture ? Ouais. Elle conduit ? Non, je suis passagère et on s'est arrêté. Ah, ah, d'accord. Ça, c'est bien, ça. Ça c'est quoi comme voiture ? Un scénic. Vous êtes où, garé où ? On va en direction de Fort-Mahon. Donc si en direction de Fort-Mahon, vous voyez un scénic arrêté sur le bord de la route, klaxonnez. Ils écoutent ouais. RQC, voilà, en et donc direction de Fort-Mahon. Vous voulez qu'on vous passe une petite musique qui va vous accompagner sur le reste de la route ? Ouais, on aimerait bien écouter Hey With Will de ACDC. Je connais pas. C'est un groupe qui vient de sortir, ACDC ? I Wait Well, eh, j'espère quand même que sur la route, c'est pas au niveau du Hell que vous allez arriver quand même, hein. Ça fait un peu peur. Soyez prudent. Oui. Et pourquoi I Wait Well de ACDC ? La question qui tue. C'est une musique qu'on aime bien, voilà, qui te donne un peu la pêche. D'accord. Bah, très bien. On se passe ça. Ça va. Merci, bonne route. Et on vous remercie pour l'écoute, parce qu'effectivement, ils sont régulièrement à l'écoute chaque samedi. Et là, c'est la rentrée, voilà, ils sont revenus, ils nous écoutent. Et... Enfin, ils sont pas revenus, ils sont partis. Oui, bon, enfin, quand même. Ils nous écoutent sur la route et via... Alors là, c'est pas le 95 FM, hein. Via Internet. On se doute bien, via Internet. On capte dans le pot-collé, Internet. Ouais. Puis, ouais. Parfois, ça coupe un peu, mais on est à l'écoute. Très bien, eh bien, je vous souhaite une bonne route, un bon week-end, bonne rentrée lundi. Et puis, bah, tout de suite, c'est Highway to Hell de ACDC. À bientôt, salut. Salut, salut. À bientôt. Check. Plus dur, plus mieux, plus rapide et plus fort. Léon est un esthète. Un athlète. Que dis-je ? Un spartiate. C'est ça, je suis un spartiate. Le sport. Ouais, je suis sportif. On va parler de sport, enfin on va parler football. C'est du sport, hein. Football, absolument. C'est un jeu, c'est un sport. Absolument. Petite question. Oui. Depuis qu'il a signé au PSG, Neymar, le Brésilien, il a gagné combien ? Ah, on ne sait pas. Une petite approximation, allez-y. Je pensais que tu allais demander le nombre de buts. Il a déjà marqué, c'est très bien, il joue bien, c'est très beau à voir. Mais là, depuis qu'il a signé, combien il a gagné ? J'ai aucune idée de son salaire, en fait. C'est un décompte pour Logan, ça, normalement. Vas-y, on se lance, on dit un chiffre. Je sais son salaire par an, mais du coup, je sais pas. Ah bah voilà, alors, allez, on va parler sous. Ma par an, il gagne 30 millions. Et là, depuis qu'il est arrivé ? Depuis qu'il est arrivé, je sais pas du tout. Bah donne un chiffre, allez, on joue un petit peu. Je sais pas, s'il gagne 30 millions par an, ça fait quoi ? Ça fait un mois, deux mois qu'il est là. Alors vas-y. Je sais même pas, ça fait combien de temps qu'il est là. Je saurais pas te dire. Philippine, à ton avis, combien il a gagné depuis qu'il est arrivé au PSG ? Je sais pas, 5 millions. 5 millions, ok. On a enfin quelqu'un qui jette à l'eau, très bien. Allez, merci. 300 000. 300 000 ? Ouais. Ok, Marie ? Ouais, 1 million pour moi. Million ? 10 millions. 10 millions. Donc depuis qu'il a signé au PSG, Neymar a gagné 2 433 495 496 497 499. Depuis qu'il a signé au PSG, Neymar a gagné 2 433 500 000 505 000 506 000. Oui, voilà. On a mis un compteur. Sérieusement. Il y a un compteur, mais c'est oui. pas vrai. www.neymar.counters.live. C'est pas possible. Mais oui. Mais bien sûr. Logan, t'as du taf. Hein. Il gagne 30 millions par an, effectivement. 2,5 millions par mois, ça nous fait. Ouais, c'est ça. Ça fait donc 80 000 euros par jour. Ça fait donc 3 400 euros par heure et 56 euros par minute. Il est un petit peu moins d'en dessous de l'euro par seconde. Pas mal ? Non, mais je me souviens que avant Internet, les décomptes comme ça existaient déjà pour Schumacher en Formule 1. Hein. Ouais. On disait quand il était aux toilettes, il gagnait 300 000 francs, tu vois, par exemple. Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Est-ce que, donc voilà, on a le plus gros transfert du monde, les deux plus gros transferts du monde qui ont concerné dans le foot le PSG. Donc là, il y a une petite enquête UEFA qui veut leur tomber sur le coin de la tronche. Ouais. Mbappé qui est aussi arrivé pour 180 millions. Des petites... 120 millions, hein. C'est 100, il y a des bonus. C'est 180 pardon. Millions, mais sauf que il le paye pas maintenant. Ouais, c'est ça. Il est en prêt avec option d'achat. En sachant que là où ils ont pas trop de crainte à se faire, Monaco, c'est que pour que l'option d'achat soit débloquée, il faut que le PSG se maintienne en Ligue 1. Bon, je pense que voilà. Alors, allez, c'est bien pour parti. Ça. Et c'est vrai qu'il y a un fair play financier dans le foot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en déficit de plus de 30 millions d'euros. Voilà. Déficit, différence entre recettes et dépenses. Ah, ça y est, on fait de la compta. D'économie. Et donc voilà, tu te dis, mais voilà, comment tu fais quand tu achètes un joueur 220 millions ? Comment tu fais ? Même deux joueurs à 400 millions, allez, on va arrondir les 400 millions pour les deux joueurs. Comment tu fais au final pour gagner un minimum de 370 millions ? Faut savoir qu'on répartit les 200 millions sur le nombre d'années. Et il y a des comptes sur le nombre des t-shirts vendus déjà. 140 euros mais le ouais, t-shirt. Bah et oui, il en a déjà vendu et pas voilà. mal. Ouais. Bah ouais. Logan, si tu peux nous trouver le nombre de maillots Neymar qui ont bien déjà évidemment. Été vendus. Non, mais ils viennent d'être réapprovisionnés parce qu'il n'y avait plus de stock. Ah, bah, donc tu me diras le stock qui était prévu. Allez, on t'écoute. Donc tu as le temps de ma chronique pour ça. Donc on a, voilà. Donc. Petite rumeur qu'il y a eu, voilà, c'est-à-dire que le Qatar est très proche du PSG, on le sait aussi. C'est-à-dire que l'idée, un des montages qui était possible, c'était de dire que le Qatar dit à Neymar, voilà, on te file du pognon. Et puis tu nous donneras ton image pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Qatar. Et puis avec cet argent, tu vas racheter ta clause libératoire. Hein, parce qu'en fait, un joueur, quand il signe dans un club, il dit voilà, pour qu'un club puisse t'avoir, on te met une clause libératoire. Il avait une clause libératoire à 222 millions. Ouais. C'est-à-dire que si un club donne 100 millions, on peut dire non. Si un club donne 222 millions, on ne peut pas dire non, c'est dans le contrat. C'est ce qui s'est passé là. Ouais. Notamment, Barcelone a fait signer Dembélé, un joueur français qui a encore pété les scores. Ousmane, ouais. Ouais. Et là, sa clause libératoire est de 400 millions. Voilà, on s'est donné un petit matelas confort pour pas qu'on nous le vole. C'était un petit peu ça, on a un petit peu volé le joueur. Mais je pense que Barcelone n'a pas bien digéré quand même le transfert de Neymar. Oh non. Ça s'est pas bien passé. Non, là. Et tous les grands clubs européens ont fait des pieds et des mains pour que le PSG ait cette enquête UEFA. Ouais, absolument, absolument. Donc là, en fait, le PSG, bah, voilà, il échelonne sur 5 ans, c'est 220 millions, donc voilà, on divise. Les 180 millions, il les paye pas tout de suite, donc il rentre pas dans sa comptabilité. Tout de suite parce que c'est un prêt et puis en fait on n'a peut-être pas acheté 220 millions Neymar si c'est le Qatar qui a permis de racheter sa clause libératoire dedans, nous on a juste à lui payer son salaire et puis sa prime à la signature. On a une idée des sponsors qu'il y a sur les maillots par exemple et à Barcelone et au PSG et par exemple au Bayern, allez regarder un petit peu les soit sur les manchettes des joueurs etc, allez voir un petit peu les noms qui sont indiqués, ça c'est amusant. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a un lien, savez-vous, entre Neymar et Moucron. Oh! Ah ouais, Moucron là où on est. C'est un certain Pinozavi. Pinozavi, c'est un agent de joueur qui, dans plein de choses, a notamment travaillé à la reprise de Moucron l'an dernier, etc. Alors, il n'était pas actionnaire lui directement, etc. Mais il était dans un groupement avec des actionnaires qui se sont occupés de Moucron. Voilà. Et Pinozavi est dans le conglomérat des avocats, fiscalistes, agents de joueur qui s'occupent de Neymar. De là à dire est-ce que Neymar viendra faire un coucou ici au canonnier, ça m'étonnerait énormément. Mais bon, c'est amusant quoi. Oui. Il y a du tout partout. Hein. Alors, dans les records de vente, on va parler par exemple de la Jupiler League. Ouais. Le record est un transfert, mais de la Belgique vers la France, justement. Mm-hmm. C'est Youri Tielemans. C'est ça, à Monaco. Voilà, qui est allé à Monaco pour 25 millions. C'est donc, rigolo quand même, 222 millions. Voilà. Monaco qui quand même cartonne au niveau de l'achat de joueurs et de la revente. J'imagine que ce joueur, quand ils vont le revendre, ils seront au-delà des 25 millions et c'est une bonne belle somme. On est d'accord. Le plus gros transfert qui existe alors, voilà, pour un club en achat, c'est un joueur qui est arrivé au RSC Anderlecht, ouais. Les MOF. C'est Sven Kums. C'est ça. Pour 6,5 millions. Ouais. On est loin. C'est gentil. Oui, c'est gentil. C'est gentil. Mais bon, quand même, hein, c'est de l'argent. Hein. On n'a pas autant d'argent dans le football belge que dans le reste du football européen. Mais bon, voilà, c'est un... quand on regarde la scène nationale. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, on a quand même des résultats. Sur, hein. Sur le territoire, c'est bah voilà, c'est les moyens des clubs. Je pense qu'on peut prendre tous les clubs de Belgique réunis. On n'arrive pas rien qu'à Neymar. Donc voilà, c'est ça quoi. Mais non, nous, ça se fait, voilà, depuis quelques années, effectivement, l'équipe nationale a un petit peu, je vais pas dire pignon sur rue, mais en tout cas, une bonne cote, et puis ils ont été premiers au classement, ils ont joué plutôt pas trop mal, etc. Et puis, il y a des gros transferts dans ces joueurs-là, un ancien d'Anderlecht, Romelu Lukaku, est arrivé à Manchester United pour 100 millions d'euros, donc c'est déjà pas mal, quoi. Logan. J'ai pas le chiffre exact de maillots, mais je sais qu'en un jour, la boutique officielle du Paris Saint-Germain a vendu pour 1 million de maillots Neymar. 1 million d'euros. Vois, 140 millions, 140, tu vois déjà. Ça, c'est fait. Voilà. Voilà, ça merci. Fait combien 1 million x 140 140 millions. Attends, elle était simple celle-là. Non, non, c'est 1 million d'euros, c'est ça. 1 million d'euros. 1 million, d'euros. Million d'euros, je pense qu'ils avaient vendu 1 million non, de maillots. Non, mais non, non, non, non. 1 million d'euros. Ouais, 1 million d'euros. Ah, j'allais dire 1 million de maillots. C'est vrai que. Qui a dit si Neymar vaut 222 millions. Je pense que j'en vaux peut-être 300. Alain Delon. Non. Non, non. Qui a dit ça? C'est dans le foot ou... ça, oui, c'est dans le foot. Ça pourrait être facile, j'ai envie de dire Messi, mais je suis pas sûr. Non, non, non, non, non. C'est un local. Enfin, c'est un local, c'est pas un Mouchronois, mais c'est un football belge. C'est vrai? Oui, tu nous parlais de Lukaku, alors c'est pas Lukaku. Mais c'est un Diable Rouge. Ah, Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard, ouais. Eden Hazard, effectivement, a dit « Si Neymar vaut 222 millions, je pense que j'en vaux peut-être 300. » Ah bon? D'ailleurs, je pense qu'il aurait peut-être voulu remplacer Neymar à Barça, mais en tout cas, il ne s'est pas Real, fait appeler. Real de Madrid. Ah non, mais c'est étonnant qu'il ait des propos comme ça, Eden Hazard, non? Oui, maintenant, après, c'est un... Enfin, je le dis comme ça, mais est-ce que c'est pour se la péter ou est-ce que c'est pour rigoler? C'est pour ça, ça m'étonne. Non, non, c'est une joke. Connu, c'est d'accord, c'est une joke. À Toulouse, Pascal Dupraz, le je sais pas si c'est le l'entraîneur. C'est l'entraîneur, ouais, l'entraîneur. Ouais, il a dit qu'il il a fait une blague pareille. Il a dit qu'il voulait Neymar, mais qu'ils n'avaient pas les moyens, mais qu'il voulait sinon. Ah bah oui, tu peux faire une offre. Je veux dire, RQC, on peut se créer un club de foot. Ouais, il y avait le Royal Excel, non pas Moucron, mais Virton, ça existe en Belgique, qui avait fait une proposition pour engager Ibrahimovic dans le même ordre d'idée. Écoute, t'es blessé, mais nous on t'aime bien quand même. On sait pas si tu vas continuer avec Manchester. Au final, il continue avec Manchester. Mais on t'aime bien quand même, mais tu peux venir chez nous. C'est amusant, quoi. Alors, il y a une mode maintenant aussi pour contourner certaines. Voilà, au niveau des finances. Régulier. C'est qu'on travaille avec les bonus. Mm-hmm. Voilà. Et par exemple, quand on dit, voilà, tiens, il a été vendu 120 millions, 140 avec les bonus. Qu'est-ce que c'est que ces 20 millions de bonus ? C'est les bonus de but et de passe décisive. Alors, il y a but, il y a passe décisive, il y a nombre d'apparitions. Prime de match, non ? Non, les primes de match, ça c'est à part. Ça, vraiment, le... Tout truc à part, ouais. C'est... En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que quand tu t'achètes, voilà, tu dis, je suis le Barça, j'achète au PSG un joueur de 100 millions. Eh bien, il y a 100 millions, mais en même temps, le mec, je vais lui filer 10 millions pour une prime à la signature. Donc, il y a 100 millions que je vais donner au PSG, 10 millions que je vais donner au joueur. Et puis, bah, l'agent du joueur qui a quand même négocié pour qu'il vienne chez moi, je vais lui filer 5 millions. Donc, dans mon transfert, j'ai 100 millions, 10 millions de prime à signature au joueur et 5 millions à l'agent. Sauf qu'en fait, dans les chiffres, quand on voit les chiffres, il est marqué que le transfert a coûté 100 millions. Sauf que quand on regarde déjà, le transfert a coûté déjà 115 millions au final au club qui paye. Et puis, pareil, en disant, ouais... 115 millions, mais les mecs, ils en voulaient 160. Bon, écoutez, je vous donne 100, pardon. Et les 60, je vous les donnerai plus tard, parce que là, pour l'instant, je les ai pas en poche. Hein. Je vous les donne plus tard si il se passe, voilà, et il y a certaines conditions. Le nombre d'apparitions, le nombre de buts marqués, le nombre de sélections aussi en équipe nationale. Enfin, des fois, il y a plein de clauses comme ça. Donc, c'est pareil, celui qui vend son joueur, il se dit, bon, est-ce que je vais avoir ces 60 millions ? C'est pas sûr. C'est-à-dire que si t'achètes un joueur 100 millions, puis je te file 60 millions, si il apparaît 30 fois dans le championnat, et bah si à la 29e journée, il a joué 29 journées, et bah si tu le mets sur le banc tout le reste de la saison, et bah t'as pas à payer la prime. Alors je sais pas si ça se fait comme ça, mais en tout cas ça permet aussi de différer, et il joue beaucoup avec ces histoires de, voilà, il diffère parce que... On va avoir des entrées, c'est de la spéculation, c'est de la bourse, c'est mais du bancaire. Mais le monde du foot est un monde pareil au monde des entreprises, finalement, avec des rachats d'actions dans des autres sociétés. Sauf que là, c'est pas des actions dans des sociétés, c'est des actions dans des joueurs, tout simplement. Mais c'est devenu le même commerce qu'entre entreprises. Quoi. Et là, ce n'est pas du foot, c'est vraiment de l'extra-foot. Ouais, ouais. C'est du... Est-ce que vous vous souvenez de la première apparition de Neymar au PSG ? Oui. Est-ce que vous avez l'image ? Ah non. Son entrée, enfin, c'était une la entrée. Première, pardon, la première sortie. C'est normal parce que la première sortie, c'est trois avocats qui sont sortis du bureau et pas Neymar. C'est vrai ? C'est hallucinant. C'est hallucinant. En direct, c'était les trois avocats qui sortaient et puis le joueur qui s'est présenté à la presse. Ça veut tout dire. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que, voilà, à l'époque des transferts, on a tous vu des transferts, des joueurs, etc. On voyait l'entraîneur, le président du club et le joueur et. Et voilà, et ça se fait encore comme ça partout, et heureusement, dans les championnats. Mais Neymar, les premières personnes qui sont apparues devant la presse, si vous retrouvez sur Internet les images vidéo, c'est les trois avocats. Non, mais les footballeurs, enfin même dans le sport, enfin, c'est de la marchandise, en fait. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est pour ça, ça c'est de l'extra foot. C'est un business. C'est maintenant, un business. Après, sur le terrain, j'ai vu jouer, j'ai vu des résumés des matchs du PSG, tout ça, c'est impressionnant. Mais c'est ouais, très beau mais à c'est voir. Évident, mais c'est un artiste... Comme Messi était artiste, maintenant Messi vieillit un petit peu, voilà, ça fait partie de l'avenir. Ousmane Dembélé, ça va être la même chose au Barça, hein, c'est un artiste aussi. Voilà, c'est des gens qui sont au sommet de leur art et qui sont là pour le spectacle, pour les gens, mais on en fait beaucoup de commerce derrière. Alors une question quand même, parce qu'on a un Neymar qui vaut 220 millions. C'est un mec qui est titulaire en équipe du Brésil, qui a gagné des Ligues des Champions, qui était titulaire dans un des plus grands clubs d'Europe. C'est ça. Depuis plusieurs années. Il a un nombre de matchs au compteur, il a de l'expérience, 220 millions. Un mec comme Kylian Mbappé, qui était à Monaco, ou un mec comme Ousmane Dembélé, qui était à Dortmund. Hein. Ça va exploser. Mais comment tu peux dire que ces joueurs valent entre 140 et 180 millions alors qu'ils n'ont que 30 matchs de haut niveau et 2-3 matchs au niveau international ? Ouais, il faut. Il y a bien une différence. Si on dit que Neymar, son coût, sa valeur est disproportionnée, imaginez quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Alors effectivement, ils ont la jeunesse pour eux, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Non, potentiel. Ils peuvent exploser en plein vol. Hein, ils peuvent exploser. Ouais. Mais on va aller plus loin que ça. Vous ne vous souvenez plus du nom, forcément, mais le joueur français qui a été acheté par Manchester United il y a 2 ans, il avait 19 ans. Martial. Martial. Voilà. Ah là, c'est flop. Hein. 90 millions et le mec c'est une bulle quoi. Pour l'instant c'est une bulle. Oui. C'est une bulle et probablement que ça sera une bulle tout le temps. C'est possible. Il va finir à Rodez ou un truc comme ça. On lui souhaite pas. Je sais pas. Il ou... bah, y en a eu au LOSC aussi je crois. Ou en D1 belge ou quelque chose. Ouais, hein? Marvin Martin qui a été acheté à Sochaux et puis qui a jamais rien fait à Lille. Ouais, non, oui, mais ça après, c'est il avait déjà en petit, joueur, niveau. Ouais. Un petit joueur. Et puis il y avait déjà de l'âge. Oui. Alors après il y a de ça, on parle d'Ousmane Dembélé par exemple. Il a joué à Rennes, il a été transféré à Dortmund. Et en fait, une des clauses dans le contrat, Rennes a dit, nous on vous le vend, ok, mais si vous le revendez, on veut une prime d'intéressement. Club formateur, hein, voilà, club. Ouais. Non, non, mais il y a le club formateur qui touche, mais il y a aussi peut-être le club vendeur a mis une clause. C'est la même chose pour Lukaku, pour le Anderlecht, la même chose pour Tielemans qui arrive maintenant à Monaco pour Anderlecht, c'est les clubs formateurs et donc... Mais ça veut dire que quand Dortmund dit, bah moi je veux le vendre 100 millions, parce que Barcelone me propose 100 millions, ah ouais, mais si je dois filer 25 à Rennes... Bah au final, moi j'ai gagné que 75. C'est ça. Et je l'ai acheté 40, donc au final j'ai gagné que 35. Voilà. Donc bah non, faut faire monter le prix. Ah putain, ça tombe bien. Ils ont vendu Neymar 220 millions. Ils ont des sous. Voilà. Et puis bah voilà, ils ont dû. Là pour le coup, des joueurs comme Mbappé et puis surtout Dembélé pour le Barcelone, c'est des. Là, c'est pas de la valeur sportive, c'est vraiment de la. Du piège pour celui qui achète parce qu'on sait qu'il a de l'argent. Bah voilà. Il y a des joueurs de foot qui se plaignaient de pas trouver de logement. Parce qu'en fait, ceux qui leur vendaient les logements, ils gonflaient les prix. Mmh. En disant, lui, il a des sous, je peux gonfler les prix. Et il y a cette... au final, c'est un problème de riche. Hein. Et il y a des clubs... voilà. Ils n'ont pas la PL. Et je pense que le Barcelone, là où c'est fait un peu magouiller, effectivement, c'est qu'il a perdu Neymar. Il a perdu une grande qualité sportive et aussi financière parce qu'il rapportait beaucoup d'argent. Et puis, bah, après, on a su qu'ils avaient 220 millions dans les caisses. Mmh. Et je pense que Dembélé, qui est arrivé au final, qui a séché les caisses de 140, donc il en reste 80... il aura pas le même rendement que le Neymar et pas alors après peut-être qu'ils peuvent parier ça sur du long terme. On espère de toute façon parce qu'en plus c'est un Français donc il rapportera l'équipe de France qui réussisse à augmenter le niveau puis peut-être arriver un jour au niveau de Neymar mais en tout cas effectivement c'est du jeu, c'est de la bourse, on perd, on gagne, les grands gagnants sont quand même les c'était joueurs. C'était donc pas une chronique sportive, hein. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, on a quasiment ah non, pas parlé de sport. Non, bien sûr, ah oui, non, mais c'était justement chronique économique. La blague voilà, quand j'ai dit on va parler sport et que j'ai mis un blanc derrière. Quoi, parce et coucou que... en Maintenant, en attendant, effectivement, l'équipe de Belgique a gagné 9-0. Ouais, c'est oui, ça, j'ai vu ça. Gibraltar. Ouais. J'ai vu le niveau, ouais. C'est-à-dire qu'ils prennent un carton rouge, les Belges. Bon, on va jouer à 10, quand même. Et ils continuent d'en enchaîner 5 derrière. Gibraltar a pris un rouge aussi. On pourra mettre quand même un petit bémol sur la loi et l'esprit de la loi et un petit peu un arbitre qui était très très près du chapeau, si j'ai envie de dire. Ouais. Parce qu'évidemment, bon, Witzel, c'est dangereux, mais il ne faut pas une rouge. Et le défenseur, c'est encore pire. Il ne faut vraiment pas une rouge pour ces gens. Ouais. Mais voilà, il y avait 12 classes de différence. Ils ont joué... Respect quand même parce qu'ils n'ont pas joué forcément frein à main et genre rien à foutre, ils ont joué comme si voilà, on y était mais à fond dedans. Quoi. J'allais dire, c'est pas forcément bon non plus pour la Belgique de jouer contre un club comme ça. Ils parce choisissent que, pas. Ils choisissent pas, mais je veux dire, le prochain, faudra pas se dire, ça serait aussi facile. Le prochain, c'est demain, c'est la Grèce et ça va jouer à double rideau défensif derrière avec ça va pas un attaquant de pointe qui va partir en contre-attaque et qui va probablement nous en mettre un. Sur un corner. Allez, à la 18e minute, j'ai envie de dire. Oh, mais j'ai noté. Mais on gagne quand même. Ah, on gagne quand même, d'accord. Et la France qui a gagné 4-0 contre les Pays-Bas. Joli. Ah, pareil, il y a eu un carton rouge qui a changé le match aussi et qui, voilà, il méritait pas ce et puis deuxième carton. Les Pays-Bas, ils sont nulle part. Quoi. Ouais, les Pays-Bas étaient faibles. Depuis, faible, quand faible, même, hein, 4-5, il y a une génération perdue, là, vraiment. Mais on sait ce contre quoi on parle. Hein. Nous, on a eu 12 ans de génération perdue, donc on peut un peu s'en péter maintenant quand même. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, la Belgique continue à avoir ce costume de favori. C'est vrai. C'est bon ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'état d'esprit en Belgique, c'est on est un petit pays, on est des petits, on est des gentils. Donc une fois qu'on nous met des grands costumes, généralement, on se casse la gueule, on se plante. Donc c'est ce qui nous arrivera, quoi. Mais on en rigole déjà. Hein. C'est ça l'état d'esprit c'est belge. Ça, l'état d'esprit belge. Super. Bon, voilà, c'était du sport. Ouais, vous avez remarqué que malgré qu'on n'a pas forcément parlé de sport, il y a quand même deux filles ici qui s'ennuient. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Bon, alors. Non, tu aimes le foot, toi, en plus, Marie ? Bah, ouais, franchement, j'aime bien regarder, mais je me dis, franchement, dépenser tout cet argent pour un joueur. Ouais. Et après, ce sont les abonnés qui payent leur place le prix fort aussi. Philippine, t'aimes bien le foot ? Ah non, pas du tout. Merci. Quel sport tu aimes alors, Philippine ? Je le prévoirai pour la prochaine fois que tu viendras. Moi j'aime la danse. La danse, voilà. C'est du sport, on va faire de la danse. Ok, la danse. Bon, on fera. Tu nous as déjà parlé du Smurf. On va faire un petit danse classique. On va faire un petit peu un lac des cygnes ici, comme ça, tu vois. Là, on a Rico qui se lance dans le hip-hop aussi. Non, il faisait de la danse aquatique. Là, tu faisais. Hein, tu faisais le ballet aquatique. Oui. Je saluais le retour de Muriel Hermine à 51 ans qui va reprendre la compétition. Waouh. En parlant de sport un peu et de. Voilà, les gens qui font ça pour le plaisir. Muriel Hermine, qui est une légende, qui est une icône évidemment de la danse, danse du ballet aquatique, j'ai envie de dire. Enfin, c'était ça. Et qui va reprendre la compétition à 51 ans. C'est quand même. C'est la Janie Longo des bassins, quoi. Ben, en tout cas, respect, franchement. Ouais. Franchement, respect, quoi. Ouais. Ça, c'est du sport, monsieur. Voilà. Eh bien, on se retrouve juste après. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. J'ai bien dit ? Oui, c'est très bien. Philippine ? C'est parfait. Redis-le pour montrer que c'était pas si parfait que ça. Moi, j'ai oublié le titre, par contre. I Can See Clearly Now. I Can See Clearly Now. De qui ? Jimmy Cliff. Très bien. Allez, à tout de suite. C'était un petit peu de reggae, on peut dire ça comme ça, c'était Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, n'est-ce pas? Philippine. Philippine. Philippine. Merci Philippine. Ça va Philippine? Ça va. Tu vas bien? Ouais. Super. Super. Super. Merci Philippine. Bien quand elle dit super. Et genre t'y crois pas une seconde. Allez, RQC, c'est une grande radio. Ah bah c'est gentil. Moi c'est une grande radio. C'est grâce à vous les amis. Hein. Oh, c'est gentil aussi. Là, il parle ça. Pas à nous, il parle aux auditeurs en fait. Ah, voilà. Les un amis quart de seconde, j'ai dit c'est grâce à vous, les amis. Tous. une grande famille tous ensemble. Tous TOVS, absolument. Et donc RQC a une belle programmation en tout cas. Ah ben c'est gentil aussi. Il y a du Monde chez Léon le samedi. Ah, avec une rediff le mercredi. Il y a du Monde chez Léon le mercredi. Tu vois, c'est une belle radio RQC. C'est ça. Non, allez, parle-nous un petit peu donc de la rentrée, de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui continue de bien. Alors oui, ben il y a effectivement des continuités. Il y a du nouveau, ben il y a notamment, ça a commencé un peu pendant les vacances, hein, mais le vendredi il y a l'émission Excuse My French qui est déjà en route, hein, quand même depuis, je pense que ça fait quelques mois maintenant, par Lily Sou, voilà, on parle des collègues. Je suis tombé sur le vendredi comme ça. Il y a Kitchenette qui est un programme. Oui. J'ai parlé des programmes qui viennent de l'extérieur parce que c'est un peu un des créneaux de la nouveauté, c'est qu'il y a 7 programmes qui viennent de l'extérieur qui peuplent notre radio. Et il y a Kitchenette entre 16h30 et 17h30 le vendredi. Si vous aimez les choses un peu décalées, invités un peu improbables par une équipe. Ben franchement ils sont super quoi. C'est une émission de Paris et je salue Olivier au passage qui mène ça de main de maître et c'est une heure de déconnade. Mais bon enfant, bon esprit et donc Kitchenette, voilà, c'est un des rendez-vous 16h30, 17h30, c'est l'avant soirée et l'avant week-end le vendredi. Dans les rendez-vous le samedi on a la boucherie, voilà, si vous aimez les choses un peu groovy. Le hip-hop des années 90, la soul, etc. Bah, il faut retrouver le radiologue, évidemment, qui est un ancien de la maison, qui reprend du service. On peut pas passer sous silence les carnets d'Alexandra, bien sûr. Qu'on retrouve tous les dimanches entre 11h et midi avec Alex qui nous fait un petit topo de ce qui se passe à Moucron, avec les Moucronois, etc. C'est le rendez-vous proximité par excellence. N'hésitez pas, hein, lescarnets@rqc.be, c'est son adresse mail. Et si vous avez des infos à passer, allez-y, soyons fous. Le lundi, une fois par mois, le premier lundi du mois, on écoute la radio à poil. C'est où poil ? Ou au poil, c'est comme vous voulez. Qu'on écoute à Moucron, mais. Qu'on écoute à poil. Au bois de Vincennes. On retrouve les Psy Moiteurs, qui est un duo. Un duo qui nous parle de choses intimes, exactement, moites, ouais. Et parfois qui nous font faire des bêtises, mais on a tellement envie de faire les bêtises qu'on les fait quand même. C'est des bonnes bêtises. L'émission s'appelle Moiteur et Tremblement, il y a notre ami Léon qui est là derrière. Ah non, c'est Dim. C'est Dim ce jour-là. Exactement. C'est mon autre masque. C'est notre masque. Et donc, Et Lou. Et donc c'est une émission entre 22h et 23h30, le premier lundi du mois. Il fallait écouter la première. C'est... Alors oui, quand on présente ça comme ça, ça fait... ouais, ils vont parler de cul tout. Non, c'est bien plus que ça. On parle non seulement au bas-ventre, mais aussi au cerveau. Et donc, rien que pour ça, c'est une très bonne émission. Là, c'est lundi qu'on reprend. Et encore une fois, un petit peu, on va parler de l'été. L'été haute et la rentrée coquine. Ah, l'été haute. Ouais. Et je sais pas si ça a été vraiment haute cet été, d'ailleurs. Enfin... Bon, cela ne nous regarde pas. Tu nous appelleras pour témoigner en direct de ton été haute. Alors, on va retrouver Michel avec l'émission Patchwork. Michel qui est un ancien de la maison aussi, qui va reprendre du service, mais plutôt la variété. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Ça sera le mardi matin entre 9h et 11h30 et ça sera à partir du 19 septembre prochain. Et puis, moi, je veux mettre l'accent et je m'arrêterai là parce qu'il y a plein de nouveautés, évidemment, mais sur le mercredi après-midi qui change vraiment de forme et de couleur à RQC, parce qu'il y a plein d'émissions par et pour les jeunes. Et ça, je trouve ça très, très, très chouette. Il y a l'émission Touche à tout, animée par le Slasher, que vous retrouvez dans Rive d'Enfer. Hein. C'est entre 13h30 et 14h30, et c'est une émission qui, comme son nom l'indique, touche à tout. On parle des petits gadgets, des sorties... alors, c'est plutôt pour les ados, évidemment. Hein. Des sorties ciné, des sites à aller voir sur le net, des films d'horreur, enfin tout ce qui peut faire la passion d'un ado, de votre ado peut-être qui a entre 13 et 15 ans et qui s'éclate, et ben voilà, c'est l'émission Touche à tout, c'est pour lui. Le dernier mercredi du mois, on va retrouver les jeunes de la Frégate pour une émission aussi qui s'appelle Le Frégate Hilarante, pareil. Si vous aimez les jeux vidéo, la musique et l'ambiance des jeux vidéo, ben, y a Pixel Music par Lily Sou, c'est entre 15 et 16 heures, c'est deux mercredis par mois. Et donc, on a quand même une belle après-midi entre 13h30 et 16h pour les ados, et donc ça c'est plutôt bien sympa, voilà. Prenez bien note de votre mercredi après-midi, si vous aimez la chanson française, et ben le jeudi, parce que ça se travaille encore hein, jusqu'à la dernière minute, mais le jeudi va être consacré, à partir de 13h30, il y a une émission concédée qui s'appelle Chansomania, qui, voilà, c'est Sébastien Dill qui nous propose cette émission-là, 13h30, 14h30, et puis on va poursuivre avec du français jusque 16h, avec Excuse My French, qui est dans Léon, évidemment. Voilà, j'ai presque fait le tour. Il y a évidemment des... vous avez retrouvé, je m'ai arrêté là-dessus quand même, à un programme qui s'appelle Fume, c'est du belge. On va mettre du belge et du belge parce qu'on me demande, on nous demande de mettre les artistes là, l'itération Wallonie-Bruxelles. Et j'en ai un petit peu rien à... Et donc, on va mettre du belge avec des artistes francophones et flamands, voire même qui chantent en allemand. Hein, qui sont du côté de germanophones, qui sont du côté de Penn, donc on va mettre du belge et donc il y aura des heures de belge un peu partout, voilà. Mais il y a des belges qui chantent en anglais aussi. Et on va mettre les belges qui chantent en anglais aussi, okay. Voilà. Ah ben. Donc et ceux qui sont pas vraiment belges mais qui, genre Puggy, qui est pas belge, il y a aucun belge dans les trois, mais qui sont quand même basés à Bruxelles et donc. Bah, ça sera là-dedans, et puis des artistes oubliés qui avaient beaucoup de choses à dire, genre des André Bialek, jusqu'à du hardcore flamand, tout ça, dans Fume, c'est du belge, voilà, on va faire du belge partout, et bam. Et bim. Et bim. Et bim, et bim, et bim. Et ben une belle rentrée, une belle saison qui s'annonce pour RQC. Ouais, et tant qu'on était dans le belge, je vais vous dire que Café Bohémien d'Ezekiel va passer à partir, non pas de cette semaine, mais de la semaine prochaine, la semaine du 11 septembre, du mercredi qui était 20h30, 23h, on va passer au lundi 17h30, 20h. Voilà. Arrive un peu plus tôt dans la semaine. Donc le lundi sera bien blindé. Ouais, on finit en... Ça va être chaud, hein, lundi. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Voilà, la rentrée sur RQC. Ça, c'était pour le côté radio. Pour le côté événement, ben, on a des événements qui arrivent. Il y a les 15 ans du Hellbar qui se préparent, qui vont se dérouler un peu plus tard dans l'année pour des raisons d'agenda, tout simplement. Donc on avait pensé octobre, ce sera un peu plus tard dans l'année. Vous dire quand même qu'en octobre, on aura un événement ici, puisque les Max, qui sont un groupe de reprise d'un groupe mythique des années 60, les Shadows, qui ont joué plein de fois pour la radio les années précédentes, nous font le plaisir de venir en version club, et donc les Max vont jouer au Hellbar, dans une configuration spéciale 60s, avec de la déco et tout. Ah oui. Ouais, alors les Max, c'est le 22 octobre, c'est exclusivement sur réservation. Bonjour@rqc.be, ça c'est par mail 0479 65 91 01, 0479 65 91 01, voilà, 0033 si vous téléphonez depuis autre écrivain, c'est pour réserver. Et puis c'est le 22 octobre à partir de 16h, c'est un dimanche, et ça va jerker, voilà. Yeah. Et puis on annonce des soirées un peu spéciales, genre Beaujolais au mois de novembre. Un peu plus loin dans l'année, on va trouver des stand-up et tout ça. Enfin bref, ça va être blindé ici. Ah ouais. Ça va être blindé, ça va être blindé. Le Hellbar. Et de la musique. Et va tourner. Et voilà. Eh bien, super. Merci à vous. Merci à toi, Rico, de nous avoir annoncé tout ça. On est impatients de vivre cette année tous ensemble. Avec auditeurs, copains d'émission, copains de la radio. Ouais, ouais. Puis il y a des nouveaux jingles, il y a des voilà, nouveaux habillages. Voilà, c'est juste, c'est pas cosmétique, hein, mais on a changé les habillages et les jingles, et donc il y a du nouveau. On se fait beau. Vous pouvez entendre ça depuis le mois d'août. Très bien. Voilà. Eh bien, il est bientôt l'heure de la fin de cette première émission de la saison 2. Quoi, déjà ? Episode 1, season 2. C'est beaucoup trop triste. It's over. C'est fou. Oh là là, mais avec qu'est-ce qui va se passer ? Vivement l'épisode 2. Ah bah ouais, avec une bien meilleure qualité que les 6 premières saisons de Game of Thrones quand même. Ah, putain, j'ai peur. Ça y est. Non mais je voulais dire, avec une meilleure qualité que cette première émission quand même. C'est vraiment... Comment ça ? Non mais c'est parce que Philippine n'a pas chanté. Mais Game of Thrones, c'est Secret Story, c'est la même chose. Oui, c'est bienvenu. Vous m'avez accueilli en me disant Game of Thrones et Secret Story dans la même phrase. Ah oui. C'est enregistré ici. On a des preuves. On a des preuves. Allez, bah, il est temps de te dire au revoir, et surtout bah bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Alain, tu es là. Ciao. Je serai là. Tu seras là. Oui. Est-ce que tu sais de quoi tu as déjà parlé? Non. Un petit jeu de société. Si. Monopoly. Oui. On parlait Monopoly. Un Monopoly moucronois. Ouais. On va parler la semaine prochaine. Ils sont là, ils sont invités. Bah tiens, on a une semaine pour les appeler. On peut essayer. On peut essayer. Philippine, c'est ta rentrée lundi, on va te souhaiter une bonne rentrée. Merci, c'est gentil, faut faire du courage. Oh purée. Merde. Non, parce qu'en fait il y a un décompte. C'est à dire qu'elle était impatiente de venir ici. Et depuis qu'elle a commencé l'émission, elle fait sa chronique. Maintenant il y a un décompte jusque la rentrée. Et plus ça compte, tu vois, plus ça, le temps baisse. C'est pas le salaire de Neymar qui monte là, c'est le temps de... Bah elle déprime. Oh. Logan, toi t'es impatient de rentrer. Non, tout. Ouais, bien sûr. Bip. Impatient de savoir. Hein. On te souhaite une bonne rentrée. Tous les deux, on vous retrouve allez, une fois par mois. Bah, je sais pas, moi, je sais pas du tout. Hein. C'est la rentrée, on les retrouve. Bah, ouais. Mais non, mais c'est presque ça. Parce il va travailler samedi matin. Voilà. Eh bien, tu viendras pour les vacances scolaires, bah, oui. Mon petit Logan. Marie, est-ce qu'on te retrouve la semaine prochaine? Oui, tout à fait. Pour les sorties du coin coin. Oui, exactement. Rico, je commande la danse des canards, coin coin. Les sorties. Il peut venir chanter en live aussi. Hein. C'est un ami de la maison, il connaît bien. Gigi Lionel. Ouais, il peut venir. Ah, bien sûr. Ah, allez hop, soyons fous. Une vieille maison aussi. Et Rico, on te retrouve aussi dans l'émission. Tous les canards vont à la mare à partir de dimanche prochain, rentrée le 10 septembre, parce qu'il y a un match des Belges demain. Donc. Faut pas déconner. Ah oh bah bravo. Voilà. Et j'ai quand même donné. C'est un jour férié pour. J'ai quand même donné absolument 1-0 à la 18e pour les Grecs et on puis nous on termine 1-3. À la 16e, voilà. 16e. Ok. T'avais dit 16e ? T'avais dit 16e. Ok. Entre la 16 et 18, allez, on est passé. Ouais. Et puis dans Il y a du monde chez Léon, tu es le bienvenu. Oui, sais. Je viens dans 2 semaines. Ah bon ? Ah. Parce que t'as demandé à qui ? Au directeur des programmes de la station. Ah ok, je m'incline devant lui. Non, je sais pas, mais je sais pas. Ok, dans 15 jours, on te retrouve ici. Ouais, c'est ça, je pense en 15 jours. Bon. Et moi, je serai là la semaine prochaine. Ouais, ouais. Ouais. Avec plaisir. Allez. Toujours avec plaisir. Eh bien, je vous laisse avec un mec de la radio. C'est bien, Hector. Celui qui bosse le plus. C'est ouais, ça. Et qui m'embête le moins, je l'adore. Il est pas difficile. Allez, Hector, c'est à toi. À la semaine prochaine. Thank you. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère. Et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait...